écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Pour les représentations de cette semaine, le rôle de Jean-Philippe Charbonneau sera interprété par Stéphanie Paradis et le rôle de Stéphanie Paradis sera interprété par Jean-Philippe Charbonneau. Je veux vous dire comment vivre parce que, tu sais, moi, je sais pas vivre. Mais ouais. Je peux dire aux autres, c'est comme on a déjà parlé, tu sais, que des fois, quand t'enseignes quelque chose, c'est parce que t'es pas capable de faire toi-même. Il y en a qui disent ça, c'est faux, là. Mais tu sais, c'est ma affaire. Je vais vous enseigner comment vivre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Assemblage good time, come on! Ah, Jean-Philippe, tout avec tes running gags, t'en as deux puis t'es utilisé tout le temps. Ça me semble juste. Ouais, ça c'est ton troisième, je pense. T'avais aussi oui-oui avant. Oui-oui. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, oui, c'est les instructions d'assemblage. D'habitude, on fait ça le jeudi avec Stéphanie, mais là, Caroline, je suis pogné avec Jean-Philippe Charbonneau en ce début de semaine. Mais je suis sûr que tu vas être bon pareil. T'es bien pas fin. Ouais, non. Mais non, c'est un compliment. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est Jean-Philippe qui parle. Ben, je sais. En tout cas, bref, on se comprend plus. Tu viens de dire que t'étais pogné que moi. Non, mais c'est un gag. Jean-Philippe non, non. Charbonneau. Jean-Philippe serait le premier à dire tout pour le gag. Même si c'est insultant, tout pour le gag. Si ça fait rire, c'est correct qu'il prend. Ça fait rire, les oiseaux. Donc, la meilleure façon de gagner une chicane ou une petite querelle, tu sais, genre un petit débat. Une querelle? Non, non. C'est comme la Marelle version 3X? C'est ça, mélangé avec de la vaisselle, la margarine. un petit débat, tu sais, d'idées entre les gens. Quand t'es sûr que t'as raison, tout le monde est sûr qu'il a raison dans une petite querelle comme ça. La façon la plus facile de gagner comme ça, une petite querelle, c'est en posant des questions. Tu serais surpris comment les gens vont pouvoir voir les faiblesses dans leur argument. Si tu leur poses des questions, ils vont faire comme... puis à un moment donné, ils vont dire « Ouais, t'as raison. » Mais les vrais argumentateurs sont capables d'argumenter des faussetés. C'est vrai, de bullshitter, comme on l'appelle. À la fin d'une entrevue pour un emploi, l'intervieweur va te demander tout le temps si t'as des questions. C'est vrai, ça? Oui. Demande-leur « Qu'est-ce que t'aimes dans ton travail? » Ah, c'est bon, ça. Ils vont être super flattés, puis tout ça, puis ils vont vouloir parler, puis ils vont dire « Ah, crime, ça montre un intérêt, tu sais. » Je vais prendre ça en note. Ben oui, c'est ça. Je vais passer à tes... Si j'ai été Stéphanie, je la passerai à Jean-Philippe. Ça, tu vas donner ça à Stéphanie. Stéphanie, tu vas donner ça à Jean-Philippe, en tout cas. C'est ça. Peu importe le nombre d'erreurs que tu fais, OK, t'es toujours plus en avant que les gens qui n'essaient pas pantoute. C'est même si t'essaies quelque chose, mais que tu fais des erreurs, t'es au moins plus avancé que les gens qui ont pas essayé pantoute. Tu comprends ça? Ouais. Ouais, genre. Ça dépend quel genre d'erreur. Ouais, comme. Ben, tu sais, des fois, il y a des affaires que tu fais en public, là, genre, mettre des ailes de poulet dans les bobettes, là, pis je suis pas bien plus avancé que ceux qui l'ont pas fait. Arrête de te mettre des ailes de poulet partout, Jean-Philippe, franchement. Tu l'as pas fait. Ça rentre. Ça rentre. C'est ça, si ça rentre, s'il y a un trou, comble-le, comme on dit. Ben oui. ensuite, tiens. Ouais, par rapport au point noir, tiens. Pour se débarrasser des points noirs. Des points noirs. Sur le nez. Ta face. Entre autres, ouais, c'est ça, dans la figure. Oh, je t'ai insulté. Dans ma face. Le paradis sort de ce corps. Voyons donc. Hey, Carl, non, mais tout le monde m'insulte, c'est bien correct, là. Je comprends ça. Donc, on dit de prendre du sel et du bicarbonate de soude. Donc, pour faire un mélange pour enlever les points noirs, tu mélanges une cuillerée à table de bicarbonate de soude. La petite vache. La petite vache. Pas qu'il rit. Non, non. Pas se tromper, il se met du fromage dans la face, là, comme au Wisconsin. Hein. C'est ça, exact. Donc, à la place, non, c'est une cuillerée à table de bicarbonate de soude et une cuillerée à table de sel. T'appuies ça sur un truc de coton humide. Tu laisses ça pendant 5 minutes sur ton visage, sur ton nez. OK. Ça va enlever les points noirs. Ah ouais? Nous dit-on. C'est quoi tu dis, donc? C'est bicarbonate de soude et du sel. Mais comment ça fait pour te donner ensemble? Sur un petit coton humide, genre. Et comment ça fait pour tenir ensemble? Ben, la bicarbonate de soude, c'est liquide, puis le sel, puis tout ça sur le petit pad de coton. La bicarbonate de soude, c'est liquide. Non, j'ai-tu dit ça? J'ai dit sur un coton liquide, sur un petit morceau de coton pour le maquillage humide, j'ai dit ça tantôt. Ah, ok, t'as dit liquide. Excuse-moi. Là, tu viens de dire liquide. Ok, c'est humide. Un petit, ça va tenir un petit dessus? Coton humide, donc un petit peu mouillé avec du sel et du bicarbonate de soude. Puis après ça, on se fout ça sur le visage. Même si ça ne tient pas, au pire, ça va être tenu par ta main sur ton nez pendant 5 minutes. Non, c'est pas. C'est le sel puis le bicarbonate que je comprends pas comment ça tient sur le coton. Pas nécessairement dans ta face. Ah, ok. Hein? Ben, j'imagine l'humidité du coton. Je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Mais c'est ce que ça nous dit. Je suis pas chimiste, hein, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, moi non plus quand même. Le chou-fleur, tiens. Chou-fleur trempé. Ça, c'est dégueulasse. Non, j'aime ça. Ça manque d'aile de poulet. Ben, tu vas aimer ça, Jean-Philippe. Du chou-fleur trempé dans de la sauce barbecue. Ah. Ça goûte presque pareil, nous dit-on, que des croquettes de poulet. Et c'est bien meilleur pour la santé. On nous dit, mais tu sais. Je suis pas sûr que du chou-fleur à la sauce barbecue va goûter pareil comme des petites croquettes. Cuit ou pas cuit? Similaire. Le chou-fleur? Ah, bonne question. Je sais pas, c'est les deux. Ah ben oui. Ben oui. Moitié-moitié. Moi, j'ai Stéphanie m'a parlé de ça. Là. Okay. C'est une recette de croûte à pizza, mais avec juste du chou-fleur et du fromage. Hein? Ça a l'air que c'est super bon, c'est santé. Moi, honnêtement, je m'en fous, là. Mais Stéphanie a dit que c'est santé. Ok, parfait. Bon, on va lui faire confiance. C'est une personne de confiance. Parlant de confiance... La confiance en soi, ça arrive pas quand t'as toujours raison, mais quand tu n'as pas peur d'avoir tort. C'est ça, de la confiance en soi. Ah, OK. C'est sage, hein? C'est une belle petite phrase. Si tu fais juste un pas vers ton but dans la vie, c'est beaucoup mieux que les 11 pas que tu fantasmes à faire dans ta tête, mais que tu fais jamais, t'sais. Parce qu'il y en a juste 11. Il y en a juste 11, bien entendu, entre moi et mon but. Entre hein? toi et ton but, les DAA, c'est ça? Les 12 étapes, non? C'est pas ça, les 12 pas. C'est pas moi qui est alcoolique. Ah, c'est vrai, c'est Stéphanie, excuse-moi. Je l'insulterai quand elle sera là pour se défendre. si tu veux que quelqu'un t'écoute, commence une conversation avec « je devrais pas dire ça, mais... » Ah, je fais tout le temps ça. Je devrais pas dire ça, c'est un secret, dis pas ça à personne, mais... Puis là, la personne va t'écouter, t'sais. Je fais tout le temps ça. C'est quand même pas pire. Ensuite de ça, tiens. Ben ça, on a déjà un petit peu dit la même chose, mais faire un bon coup ou faire une bonne, comment dire, ta BA, ta bonne action... Hein? C'est toujours mieux de la faire si tu le fais de façon anonyme. Ça va mieux passer. Tu vas avoir l'air moins fendant que si tu le dis. J'ai fait une bonne action. Genre. Ben oui, mais c'est la seule raison de faire une bonne action dans la vie, non? C'est de se vanter et que tout le monde dise t'es le bon, t'es le bon, t'es le bon. Ben ça. Oui. Mm-hmm. Pourquoi tu penses que ça existe, les smart nominations sur Facebook? Ah, c'est juste ça. Pour montrer, regardez, j'ai fait ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Quand quelqu'un t'invite chez eux, dans leur maison, regarde s'ils portent leurs souliers en entrant. Hein? S'ils portent pas de souliers, s'ils ont enlevé leurs souliers, c'est probablement que tu devrais enlever tes souliers toi aussi. Ben oui. C'est sûr. Si tu viens de texter la mauvaise personne, mets immédiatement ton téléphone en mode avion et le message ne s'enverra pas et tu peux l'effacer après. Tu sais, quand tu viens de l'envoyer, il est en train de s'envoyer la petite barre avance, des fois assez tranquillement. Tu scrolles vers le haut sur ton appareil iOS, tu te mets en mode avion. Mais ça se livre pas. Faut que t'aies les réflexes développés à ta barouette. Mais. Et regardez donc le nom de la personne à qui vous l'envoyez avant d'envoyer le message. Ben ça va oui. être un bon réflexe. Mais des fois, c'est pas juste la personne à qui on l'envoie, mais ce que l'autocorrecteur oui. a mis à la place de ce qu'on voulait dire. Des fois. Et. Oh! Ouais. Ouais, c'est ça. Ça nous est tous arrivé. Hein. Ben, ouais. Tiens, tu peux pas contrôler tes pensées. Par contre, tu peux empêcher tes pensées de te laisser te contrôler. Oh, que c'est beau, c'est Mathieu. Cute. Ah, merci Internet. J'aime ça quand tu guides ma vie comme ça. Ben, tellement. Tiens, tu seras jamais dans... Jean-Philippe, toi qui es un gars velu, on le sait tous, velouté. Oui. Tu seras jamais dans une situation où tu vas regretter de t'être rasé, tu sais. Donc, c'est toujours une bonne chose de se raser. Tu vas jamais le regretter. Tu vas jamais te dire « Ah, oh, j'aurais pas dû me raser. » Alors que tu vas des fois, tu vas te dire « J'aurais dû me raser. » C'est comme, mettons, quand je laisse aller ma barbe trop longtemps, je me dis « Ah, c'est j'aurais dû me raser parce que j'ai la fou à ce moment. » Ben, je sais pas. Mettons, tu te rases puis tu te rends compte que t'es laite en dessous. T'es laite en dessous. Colin, j'aurais pas dû me raser. C'est un bon conseil, ça. Ça fait Stéphanie pas mal comme conseil envers moi, ça. Ah non, mais je disais pas toi. Là. Non, ok, excuse. Je parlais d'une personne en général qui si la barbe rase, te fait. Là. Ouais, c'est ça. T'es donc susceptible un matin. Tellement. Tiens, tout ce que t'as à faire pour être une personne intéressante, encore une phrase cue, tout ce que t'as à faire pour être une personne intéressante, c'est d'être bon pour écouter. Si t'écoutes l'autre personne, automatiquement, ça va être une personne intéressante parce que l'autre personne, tout ce qu'elle veut, c'est se faire écouter. Parce qu'on est tous égocentriques. Un petit peu, c'est barre, je pense, ouais. Tiens, si t'as une entrevue, encore, on revient aux entrevues pour un emploi fictif ici. Et s'ils passent la majorité de l'entrevue à essayer de te vendre la job, comme de quoi que c'est vraiment une bonne job, tu vas avoir bien du fun, c'est sûrement parce que c'est une mauvaise job et tu devrais pas la prendre. Puis qu'ils n'ont pas personne d'autre. C'est hein? Ça. Ouais. Vraiment, si tu as à te forcer pour convaincre quelqu'un de prendre une job, c'est pas une bonne chose. C'est pas fou. Un autre truc pour toi, Jean-Philippe Charbonneau, JP Charbs, si tu as les cheveux longs, OK? Tout le temps. T'as toujours les cheveux longs. Je bouge ma tête. Chouiqui. Mais Stéphanie pourrait l'apprécier aussi. Laisse un petit peu de slack quand tu tires sur tes cheveux, quand tu te fais une queue de cheval. Mettons. Oui, je m'en fais tout le temps. Ben, j'imagine un gars avec une queue de cheval, c'est super sexy. Tirer trop serré tes cheveux, ça peut causer des maux de tête. Ouais, ça, Stéphanie est au courant. Stéphanie est au courant. JP Charbs, par exemple. Par ben, je me fais jamais de queue de cheval. Jamais, Colin. Ça te ferait. Ben, non, je suis tellement masculin. Tiens, citation dans un magazine pour ados avec justement un gars avec les cheveux longs. Lane est 19 ans dans un magazine sûrement genre Hot Beat Teen Buzz Girl. Il dit, je cite Lane ici, je m'assois à côté d'une femme que je trouve belle, jolie, et je suggère qu'on échange nos numéros comme ça. Si un des deux manque le cours, on va pouvoir donner les devoirs à l'autre personne. C'est une très bonne excuse de la texter. Et ça marchait pas de même dans mon temps. On n'avait pas ça des cellulaires. C'est ça. Non, c'est ça, je disais, années 90, on échange nos numéros de téléphone puis on se texte, là, mais tu sais, ça existe encore les magazines de filles, apparemment. Ah, ben oui. C'est ça. Mais avec le gars a vraiment l'air des années 90, il faut le regarder. Là. Avec le test, est-ce seulement un amour d'été ou c'est pour la vie? Oh. Oui. Tu connais ça, Jean-Philippe, hein? ça paraît. Tu peux faire une boisson à étage en empilant les contenus de sucre, d'accord? Donc, dans une petite boisson Sobe, tu sais, S-O-B-E, là, on voit les bouteilles transparentes Sobe. Le soya, là? Non, pas vraiment, mais bon, aux fruits, genre style. Il y a 25 grammes de sucre. Ah, OK. Oui. Boisson avec sucrée. Avec le lézard, là. Genre, exactement, le lézard. Ensuite, ça, c'est 25 grammes de sucre. Dans du Ocean Spray aux pommes et canneberges, de 40 grammes de sucre. Et dans du G2 de Gatorade, t'as 5 grammes de sucre. Donc, si tu empiles les uns dans les autres dans une bouteille vide, ça va s'empiler un peu comme de la crème glacée napolitaine ou encore, tu sais, les popsicles à 3 étages, bleu, blanc, rouge. Là. Ça fait exactement la même chose. Oh! Donc, c'est pas des cyclones, là, les popsicles? Oui, cyclones! C'est exactement ça. Donc, ça fait du rouge en bas, du blanc, ou la saveur de Sobe que tu veux, au milieu, et du G2 bleu au sommet. Je vois qu'ici, on choisit la saveur pina colada, là. Ah, ben, ça fait du blanc. T'as bien raison. Donc, ça a l'air bon, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ça, me semble que j'ai le goût d'être l'été, là. Là, maintenant, hein? Hein? Barbecue, aile de poulet, un petit drink cyclone. Ton chest bien poilu. Au soleil, tout huilé. Voilà. JP, bravo. Huilé avec de la sauce buffalo. Buffalo! Tiens, écoute. On parlait de bien écouter tantôt. Écoute avec l'intention de comprendre et non pas de répondre. Quand quelqu'un te parle, tu vas avoir l'air pas mal plus sympathique. À place de tout le temps avoir une petite réplique préparée parce que t'écoutais pas l'autre personne. Écoute, avec l'intention de comprendre. En tout cas, là, un de perdu, 10 de retrouvé. Je pense que t'écoutais pas ce que je disais. On a parlé tantôt de se raser, qu'il n'y avait pas d'excuse de ne pas se raser dans la vie. Sors toujours en public habillé comme si t'allais rencontrer la personne de ta vie, donc l'amour vrai. Comme ça, si ça arrive un jour, moi, ça va te préparer, ça va être bien habillé. Bon, mais admettons qu'il est déjà à la maison. Je peux te sortir en jogging, chercher ma pinte de lait? Probablement, okay. Ouais, c'est ça. Fais ce que tu veux. En chest. Moi, ma mère m'a toujours dit, match tout le temps. Bon, OK. La mère à Stéphanie, il a toujours dit... Ah oui, excuse. Oui, je suivais plus. Là. Match tes bobettes avec ta brassière. S'il y a un vol de banque puis dit tout le monde en bobette, tu vas être moins gêné. Ça arrive tout le temps. C'est connu, les voleurs de banque, c'est leur première phrase. C'est tout le monde en bobette. C'est bien clair. Ensuite, alors ça c'est cool, j'aime vraiment ce conseil-là, vous allez peut-être trouver ça stupide, mais vous ouvrez une vidéo dans VLC, le lecteur vidéo VLC, OK? Donc, vidéo LAN. Le con orange. Le petit con orange de construction. Va dans Outils, Effets et filtres, dans Effets vidéo, tu peux cliquer sur Tourner la vidéo à 90 degrés vers la gauche. Et comme ça, tu vas pouvoir mettre ton appareil, ton portable sur le côté dans ton lit et regarder les vidéos droit. Comprends-tu? Comme virer sa TV de bord, là. Après, tu revires la vidéo de bord, tu laisses ton ordinateur à droit, OK? Et tu vas pouvoir, tu sais, normal, juste comme en position supportable. Toi, tu peux te coucher. Toi, tu te couches, puis la vidéo joue sur le côté. C'est écœurant. C'est génial comme conseil. Mais j'imagine que ça rentrera pas nécessairement à plein écran. Non, c'est ça, exactement. Tu vas avoir des méga grosses barres noires. Bah, gars, au moins tu vas... Femme, barres noires. Pas lourd, il sort de ce corps. Tiens, si tu veux éviter de penser trop, on dit tout le temps, genre, je pense trop, là, c'est plate, on n'aime pas ça trop penser. Focus sur quoi faire plus tard. Donc, la prochaine chose que tu vas faire, à la place de penser à ce qui s'est passé de pas correct dans le passé, pense à la prochaine affaire. Ça, tu devrais t'en souvenir, Mathieu Plante. Je devrais, mais c'est bien que je suis pas capable. Si tu empruntes quelqu'un, tu empruntes quelque chose. Tu peux pas emprunter quelqu'un, je pense. Hein? Ben, je sais pas. Tu peux dire, je peux-tu t'emprunter ton bébé pour me stationner dans le parking familial au Sears? Peut-être, oui. Ça pourrait arriver. Mais si tu empruntes quelque chose à quelqu'un plus qu'une fois par semaine, c'est que probablement tu devrais t'en acheter un pour toi-même. Oui. Probablement, tu sais. Mettons un crayon, mettons, qui est jamais sur le bon bord du bureau parce que je l'ai tout le temps emprunté. Ah, Stéphanie. Salut, Steph. Elle nous écoute pas. Non, elle nous écoute pas le lundi. Celui-là, je l'ai déjà fait, mais j'en reparle parce que je l'aime, je le vois puis je le trouve cool. De couper l'intérieur de la mie d'une tranche de pain, ok, tu mets ta croûte, donc tu mets juste la croûte dans le poêle. Okay. Tu fais cuire des œufs, deux œufs dedans. Tu rajoutes une tranche de jambon. Deux œufs. C'est deux pour que ça. Ben moi, ça je dirais même, j'en mettrais trois. Ok. Pour parce que c'est un gros cochon. Pour vraiment que ça remplisse ma tranche de pain. Tu rajoutes une tranche de jambon, peut-être même, moi, je dirais peut-être du bacon par-dessus. Okay. Du bacon déjà cuit, là, parce que ça cuira pas comme ça. Du fromage par-dessus. Okay. Et ensuite, tu remets la mie de ton pain sur le dessus, OK? Et tu aplatis ça et ça te fait un sandwich. Bon, mais il n'y a pas de pain en dessous. Il n'y a pas de pain en dessous, mais c'est que justement, tu as l'accès directement à l'œuf sur ton palais quand tu le remets à l'endroit. Mais t'es sûr que tu es capable de le revirer de bord? Moi, oui, je suis sûr. Je suis sûr que je suis capable. Je suis capable de tout faire, moi. Ça te prend une bonne spatule. Avec une bonne spatule. Mais tu vois, l'œuf qui est dans le fond, en dessous, se retrouve au fond de la poêle, au moins, tu vas pas percer le jaune en prenant ta spatule pour aller en dessous. Ça va juste avoir contact avec le blanc. Donc, tu vas pouvoir facilement le revirer dans ton assiette, après ça, le manger. Mais non, tu sais, je vais faire cuire mon jaune, c'est dégueulasse, du jaune mou. Ah, j'aime ça, du jaune mou, comment? Je mange mon pain avec ça dedans, tout ça. Ce que je trouve étrange là-dedans, c'est que ça a l'air de du pain brun. Moi, j'avoue que t'as fait ça. On dirait qu'il y a une petite tentative d'être santé, non. Mais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je le ferais avec du pain blanc ménage. Ce serait fantastique. Ouais. Ménage. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Pour une fois que Jean-Philippe est d'accord avec Mathieu Plante. Ensuite, tiens, pour que vos cordons, vos câbles de téléphone cellulaire et autres gadgets ne soient pas tout mêlés, tout mélangés, prenez une boîte à souliers, OK? Faites des trous dans le côté et achetez-y des petites rondelles de métal. Là. Okay? Ouais. D'un bord puis de l'autre pour faire vraiment des beaux petits trous à distance égale, à bonne, bien centré, bien J'imagine tout ça. Que la boîte de suite, t'as peint aussi. Ta peinture, tu mets du MacTie tape, truc comme ces livres d'école dans le temps, tu rends tout ça super cute, tu fais un beau petit décor. Tu mets à l'intérieur de ça une power bar. Okay? Et tu peux brancher chacun de tes fils de téléphone, iPad, ordinateur et tout ça. Tu fais sortir chacun des fils par les trous. OK? Et tout ça, évidemment, il y a un seul trou qui va sortir vers la prise de courant. Ah. Et l'autre trou où tous tes fils sortent de l'autre côté de la boîte. Et là, tu peux facilement brancher tes appareils sur les fils qui sortent de la petite boîte. Et la boîte a juste un fil branché dans le mur. C'est le fun! C'est très beau. Tu peux même l'agencer avec ton décor, moi qui est tellement décor ta vie. Tellement. Tu vois? Tellement. Ça c'est irrésistible. Irrésistible, c'est des biscuits. Et là, je regarde bien comme il faut pour être sûr de bien dire ce que je dis parce que je n'étais pas sûr que c'était du sucré salé. Mais c'est bien des biscuits Ritz qu'on voit dans la photo, Steph. Des biscuits Ritz. Qui? Excuse-moi, JP. Hey, j'ai des lapsus aujourd'hui, je m'excuse, c'est insultant. Hein? C'est insultant. Ben là, c'est insultant pour elle. Je sens que Steph... pas mal plus féminine que toi. Elle a bien plus de seins. Exactement. Donc, préchauffez votre four à 350 degrés. Elle a tellement des beaux seins. Tellement des beaux seins, je fantasme sur elle tous les jours. On dévoile les fantasmes de JP Charbs en direct. Donc, préchauffez votre four à 350 degrés. C'est un peu mêlant pour tout le monde, tout ça. Donc, prenez des biscuits Ritz salés, évidemment, le côté salé par en bas. Placez un rouleau mais par craquelin. Mais c'est pas salé des deux bords? C'est pas salé des deux bords? Salé, parce qu'il faut que tu parles comme faux, JP Charbs. C'est pas salé des deux bords? Apparemment que les Ritz sont salés d'un seul bord, mais ça, je le savais pas moi-même. Mais bon, bref. Si vous avez des Ritz salés d'un seul bord, mettez le côté salé par en bas. Vous passez ça au four avec un rouleau sur chaque craquelin pendant 3 à 5 minutes pour faire fondre le rouleau. Ensuite, vous ajoutez un autre craquelin par-dessus et vous poussez un petit peu. Et ça fait un beau petit sucré salé. Oh, miameux! Ça vient vraiment de me toucher, tout ça. Ça a donc bien de l'air d'un beau sandwich. Oh, génial, génial. Mais je me demande si le rouleau, il fait pas une flaque autour. Je veux dire, tu sais, là, il est beau. Autour. Tu sais, là, il est beau, là. Il reste à la même grandeur que le Ritz, là. Mais peut-être justement que la grandeur du rouleau est parfaitement bien calculée pour aller avec le Ritz. Sinon, il devrait peut-être conseiller un autre craquelin, peut-être. Faut juste que tu le centres. Oui, mais c'est parce que ça doit être bon avec ça, parce que le biscuit Ritz, on s'entend que c'est bon dans la gueule. On s'entend là. Que c'est bon dans la gueule et ailleurs. Mais surtout dans la gueule. Ouais. Tu peux t'exfolier la peau avec le petit côté salé. Salé. Non, mais pour vrai, de toute façon, tu fais sur une plaque à biscuits, probablement. Donc, ça va, ça coule sur le rack à biscuits, puis tu lèches le rack après. Hein? Moi, Stéphanie te conseillerait de mettre du papier parchemin ben en oui. dessous. C'est clair. Arrête raison. Arrête raison. Rollo raison. Quand tu vas au cinéma, tiens, s'il n'y a pas trop de monde, mets ton manteau. À la place, des fois, on va mettre notre manteau sur notre siège de cinéma. T'sais. À la place, mets donc ton manteau sur le siège devant toi. Comme ça, personne ne va s'asseoir devant toi. S'il n'y a pas trop de monde dans le cinéma, on s'entend. Okay. S'il n'y a pas trop de monde dans le cinéma... Oui, sinon, c'est chiant. Sinon, c'est un peu chiant. Mais tu mets ton manteau sur le siège d'en avant, donc personne ne va s'asseoir. Personne ne va te bloquer la vue. J'aime ça. Surtout moi qui est super grand. Grand et viril. C'est qu'en plus, tu vas pouvoir mettre tes gros pieds sur le siège... Et te mettre super confortable, t'es vaché. En pied de bas. En pied de bas, on aime ça. L'odeur va être parfaite. Parlant d'odeur, si t'as des gaz douloureux, couche-toi sur le dos et lève ton genou gauche. Il va sortir tout de suite. C'est le fun, hein? Quoi? Lève ton genou gauche, tu te couches sur le... Attends un peu, là, j'ai fermé mon affaire. Tu te couches sur le dos, tu lèves ton genou gauche dans les airs et ton pet va sortir tout de suite. Si t'as des gaz douloureux. Selon les instructions d'assemblage que j'ai trouvées sur Internet, bien sûr, évidemment. Moins tu réponds aux gens qui sont négatifs dans ta vie, plus ta vie va être positive. Ça, c'est cute quand même. On va se le dire, c'est cute. Il y en a qui sont trop longs un petit peu. On va bientôt terminer de toute façon parce qu'à un moment donné, ça va faire. De toute façon, des bons conseils. Tu peux arrêter, je peux plus te parler. Comment ça? Mais tu viens de dire qu'il fallait pas répondre aux gens négatifs. Ah! Je l'avais même pas vu venir en plus. J'aurais pu durer le reste de l'émission et tu n'aurais pas dit un mot. Si tu l'avais pas expliqué, j'aurais juste pas compris. J'aurais juste trouvé bête. Tu penses qu'il reste juste 2 minutes? C'est ça. Ah, c'est tout. On va terminer là, en fait. Oh! Non, moi, je veux parler avant du marshmallow dip. OK, attends un peu, je vais le trouver. Marshmallow dip. Il est au début. Au début de la fin, ça veut dire? Attends un peu, je le cherche. Tu l'as skippé au début. Ah, je l'ai sauté. Ah, excuse-moi. Est-ce que tu l'as devant toi? Veux-tu le faire? Ouais. Okay, tu prends des chocolate chips. Oui, c'est écrit. Pas des chips au chocolat. Là. Non, les brisures. Mais d'après moi, avec les pipites, ça marche. Des pipites! OK. Fait que tu mets des chunks de chocolat. Des chunks de chips. Tu mets ça là, dans un... Tu sais, t'as des petites tôles à tarte. Là. Ouais. Bon. Tu mets ça dans le fond. Là, après ça, t'ajoutes du lait. Des marshmallows, des petits, des mini marshmallows. Si t'as le goût de fantaisie, il y en a de couleur. Oh. Puis tu fais chauffer ça. Là, après ça, là. Oh non, tu mets ça dans une poêle. C'est pas clair. OK. Tu fais fondre du lait, des pépites de chocolat, des marshmallows dans un chaudron. Oui. Tu verses ça, là, dans ton baking dish, là. Ton truc à cuisson, le genre de pâtissier, style. Là, après ça, t'en remets encore d'autres guimauves. Oui. Plus de guimauves. 116 de guimauves. OK. Tu mets ça à broye. OK? Puis tu broyes de joie. Tu sors ça de là quand c'est golden brown. Ouais. Quand genre c'est brun doré. Ouais. Puis après ça, tu peux dipper là-dedans. Ça te fait un dip chocolat, marshmallow. Tu dips avec des biscuits Graham. Oh, wow. Ça te fait des s'mores, man. Hey, c'est dip and delicious, comme on dit. Oh, t'imagines-tu ça, le gros fouet de guimauve qui sort? Puis. Aïe, aïe. Ça fait, tu sais, comme les pizzas, le fromage qui est tiré, ça fait ça avec du marshmallow, là. Insoutenable, j'ai trop faim. Revenons à la semaine passée. Stéphanie Paradis, tu connais, c'est elle qui connaît avec moi le mercredi, jeudi. Vaguement, je pense que j'ai déjà croisé. Ah, quelque part, je sais pas trop où, tu te rappellerais si tu la voyais. Mais j'ai essayé avec ma copine en fin de semaine les biscuits Chips Ahoy. Bon, on a pris des cadans, là, quand même. Trempés dans de la Cool Whip, là, c'est débile, c'est juste débile. Ça combien pas de fois tu l'as dit? Je le sais, mais là, gars, elle l'a dit, puis je l'ai fait, là. Fait que, gars, elle peut apprécier le fait que je l'ai écouté, puis j'ai accompli la tâche. Ta blonde, as-tu aimé ça aussi? Oui! Bon! C'est gagnant. Et là, il nous reste à faire l'affaire au guimauve que tu viens de dire, puis l'affaire avec des biscuits craquelin Ritz avec ben là, des rouleaux. Ah, ben là, oui! Non, ça, on se fait ça, là. En fin de semaine. Je m'emmène un petit four, puis on se fait ça dans le bureau. Tellement! Wow! C'était une très bonne chronique satisfaisante des instructions d'assemblage, on aime ça. Débile. Là, j'ai encore ouvert 40 onglets pour rien. On n'a pas le temps de tout faire dans ma vie, c'est malheureux, il en reste pas mal, mais bon, on gardera ça pour une autre fois, probablement jeudi, comme on le fait. D'habitude, ce qu'on fait pas le jour même, on les remet au début de la prochaine chronique. Mais je serai pas là jeudi, ça va être Stéphanie. On peut pas t'avoir dans la vie, hein? Colin. Voilà pour les instructions d'assemblage. On fait ça, comme je disais, dans sa case originale, les jeudis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecifou.ca. dîner de con un certain midi cette semaine. C'est une vidéo que vous avez peut-être vu passer il y a quelques semaines sur Facebook. Moi, je l'avais vu passer, mais je l'avais regardé. Bien sympathique, mais bon, j'en avais pas fait plus de cas. Eh bien là, elle s'est retrouvée dans les nouvelles insolites, et puis j'ai le goût de vous en faire part, peut-être que pour que vous soyez dans le coup, vous aussi. Donc, c'est un homme qui a une technique infaillible pour regarder sous les jupes des jeunes filles. Hein? C'est un petit court-métrage totalement déjanté. Et l'histoire, je vous l'explique, il est intitulé « Escalator ». Il roule sur un fond de valse, le beau Danube bleu de Johann Strauss. C'est une vidéo qui est vraiment hilarante, vraiment sympathique. Attends un peu, là, il y a qu'est-ce qui se passe avec l'ordi? C'est toujours comme ça, hein? Ça commence bien le lundi. Donc, c'est bien sympathique, cette musique. Ça commence rapidement. Attends un peu, ça m'a complètement mêlé, là, tout ça, le pop-up puis tout le kit. Donc, c'est une vidéo hilarante qui met en scène un homme qui voit passer devant lui un groupe de ravissantes jeunes femmes. Sous le choc, eh bien, il laisse tomber un bonbon de chocolat qui finit sur l'escalier mécanique et termine sa course en haut. Je vous l'explique avec mes mots. Le gars va passer une belle gang de filles, ça c'est clair. Et il y a des kisses, tu sais, les petits kisses de Hershey, là, les petits chocolats emballés d'aluminium argent. Alors, voyant ainsi par terre l'une des deux... Il y a une gang de filles. L'une des filles se baisse immédiatement pour le ramasser. Le petit chocolat, il est comme pris en haut de l'escalier mécanique. Là. Il est comme pris juste dans le petit rebord. Là. Il niaise comme ça. Il attend. Et donc, la jeune femme se baisse pour ramasser le petit Hershey Kisses. Alors, tout fier, hein? Le jeune homme voit que la petite fille, on voit sa petite culotte apparaître. Alors là, le jeune homme est tout fier d'avoir ainsi trouvé une méthode pour admirer le derrière de ces jeunes demoiselles en toute discrétion. L'homme, donc, gonflé à bloc, décide d'utiliser les grands moyens et fait tomber sur l'escalator une poignée de bonbons. Chacune à leur tour, eh bien, les jeunes femmes ne manquent pas de se baisser pour les récupérer pour le plus grand plaisir du petit malin tranquillement installé en contrebas et pour le grand plaisir aussi du spectateur qui regarde la vidéo. Soudain, eh bien, le jeune homme tombe complètement sous le charme d'une dernière femme, hein, qui emprunte l'escalier à son tour. Leurs regards se croisent et le coup de cœur semble réciproque. Ne pouvant résister comme les précédentes à l'appel du chocolat, la jeune fille se baisse, mais un petit accident lui fait perdre sa robe. Tu sais, parce que en se penchant, on le sait, l'escalier, on s'est toujours fait dire « Attention, pas que te pincer les pieds dedans, ta mère, elle disait ça, ou pour que tes pantalons pognent dedans, ou que ta jupe, encore pire, pogne dans la craque, là, dans la fente de l'escalier roulant, l'escalier mobile. » Et puis là, ben justement, la fille, ce qui devait arriver, arriva. Toute sa petite robe se retrouve arrachée par le méchant escalier. Hein? Ben, monsieur, lui, est bien content. Donc, elle perd sa robe et se retrouve en lingerie au beau milieu du hall. Le jeune homme se précipite alors à la rescousse pour lui donner sa veste. Mais tout se déroulera pas comme prévu. Il s'écroulera finalement au sol dans une fin complètement délirante. Vous irez voir, c'est bien sympathique. Et bon, on voit bien que ça peut être une publicité pour la compagnie de Hershey de chocolat. Hein? On va changer de dossier. On va aller vers des préservatifs qui sont remplis de cocaïne ont été envoyés au Vatican. Les douanes allemandes ont ainsi saisi un paquet destiné au Vatican et contenant 14 préservatifs remplis de cocaïne et c'est ce qui a été rapporté dimanche dans le journal. Selon cette source, une boîte contenant 340 grammes de cocaïne estimée à 40 000 euros avait été saisie en janvier à l'aéroport international de Leipzig en Allemagne. La drogue qui a été postée d'un pays d'Amérique du Sud et qui n'a pas été nommée, OK, le pays, a été versé sous forme liquide dans des préservatifs et disposé dans un paquet adressé au centre principal de la poste vaticane. Citant un rapport des douanes allemandes, a indiqué que les autorités avaient donné le paquet à un policier du Vatican pour piéger le coupable qui tenterait de le réclamer. Le paquet, cependant, n'a pas bougé de place depuis janvier. C'est ce qu'a précisé le journal, qui ajoute que les enquêteurs allemands soupçonnaient que le destinataire, qui demeure inconnu, avait sans doute été prévenu de l'interception du paquet. Les services du Vatican et d'Interpol sont en train d'enquêter de pair avec la police allemande, et les autorités douanières n'ont pu être jointes dans l'immédiat. Donc, on aura plus de détails sûrement ou pas sur cette nouvelle particulière quand même. Hein? Déjà, des préservatifs au Vatican, c'est pas supposé être utilisé. Hein? C'est des gens qui ont fait vœu de célibat. Hein? Eh bien oui. Ici, tiens, une qui devrait peut-être faire vœu de d'être un peu plus intelligente. Non, mais sérieux, c'est de pathétisme. Vous allez voir l'histoire de cette femme. C'est une femme qui est prête à tout, même à risquer sa vie, pour devenir une véritable poupée gonflable. Tu sais, il y en a qui veulent ressembler à Barbie, il y en a qui veulent ressembler à une poupée. Non, non, elle a vu en devenir une. Eh bien oui, elle s'appelle Catella Dash, elle a 38 ans. Hein? Eh bien oui. Elle a changé de sexe lorsqu'elle avait 23 ans. À présent, elle est prête à tout, même à risquer sa vie pour ressembler le plus possible à son idéal féminin, la poupée gonflable. Ça, c'est l'idéal féminin. Tu sais, c'est comme si les gars, là, ils étaient allumés par une poupée gonflable. Pas du tout. Je pense que les gars qui se ramassent avec une poupée gonflable, c'est parce qu'ils sont plus tout seuls. Hein? C'est comme ça qu'on devrait dire ça. Mais bon. Donc, avant sa première opération, Catella Dash s'est toujours sentie féminine, voire même trop féminine. C'est donc à l'âge de 23 ans que ce jeune homme a décidé de changer de sexe et de subir sa première opération de chirurgie esthétique. Bon, ça, c'est correct. Il y en a des milliers comme ça. Ça va. C'est correct. Elle fait ce qu'elle veut ou il fait ce qu'il veut. Peu importe. Mais là, Catella Dash, qui aujourd'hui a le tout d'une véritable poupée gonflable, a investi plus de 70 000 euros dans ses transformations à répétition. Elle s'est fait poser des implants mammaires à 7 reprises. OK. A subi de multiples opérations de chirurgie esthétique au niveau des yeux, des joues, du menton, du nez, des lèvres, du cou, des fesses et s'est fait, bien sûr, injecter du bon vieux Botox. Mais cette femme au physique surprenant n'est pas prête à s'arrêter en si bon chemin. Hein? Elle ne s'arrêtera pas là. Elle veut en effet passer encore et encore sous le bistouri pour augmenter encore, cette fois-ci, la taille de sa poitrine et ressembler encore davantage à son idéal féminin, une poupée gonflable. Mais comme le rapporte le site la télé Barkov TV, les médecins la mettent en garde. Une opération supplémentaire pourrait lui être fatale. Ça fait déjà 7 fois qu'elle se fait refaire les seins. Déjà, ils sont énormes. Là. C'est déjà pas beau. OK? Et puis, là, elle en veut d'autres. De toute façon, j'ai vu quelques fois des poupées gonflables. Là. Les seins sont pas... c'est pas des bateaux, là. C'est supposé être... Une poupée gonflable, c'est supposé représenter une femme. C'est pas supposé de représenter un pushing bar. En tout cas, c'est hallucinant. Donc, Catella Dash, qui est cet homme qui est devenu femme à l'âge de 23 ans, souhaite encore aller plus loin dans ses transformations. Je la cite, « J'aime mon corps parce qu'il est en plastique. » C'est ce qu'elle dit, là, vous avez compris. Elle dit « J'aimerais devenir une poupée gonflable humaine, c'est-à-dire aussi fausse qu'une personne peut l'être. » C'est ce qu'elle a confié encore au journal. Sa dernière obsession consiste désormais à passer d'un bonnet G à un bonnet M, même si ses amis les mettent en garde et s'inquiètent pour sa santé. Catella Dash est prête à tout pour réaliser son rêve. Elle dit encore, elle ajoute, « Même si je risque ma vie, je dois aller dans d'autres parties du globe, voire même sur une autre planète, j'obtiendrai la taille dont je rêve », a-t-elle expliqué. Donc, elle s'en fout des médecins, ce qu'ils peuvent lui dire. Les risques semblent trop importants pour sa santé pour qu'un chirurgien américain n'accepte de lui poser ses implants mammaires dont elle rêve. Mais même si elle risque de mettre sa vie en péril, Catella Dash semble déterminée à aller jusqu'au bout de son rêve afin d'obtenir une poitrine encore plus grosse que celle qu'elle a déjà. C'est monstrueux. Ben, c'est un monstre, finalement, Catella Dash, parce que c'est ridicule. Son médecin dit dans la vidéo, il m'en a à un endroit... Il dit, je peux pas y mettre des bonnets plus gros, parce que là, il dit, sa peau va s'affiner. Sa peau pourrait, comme ça, dans le fond, ses seins pourraient déchirer, tout pourrait partir en couille. C'est le cas, mauvais jeu de mots à dire. Mais quand même, allez voir ça, c'est risible et pathétique à la fois, triste et drôle à la fois. Ici, vraiment, on va rester plutôt dans le triste, mais en même temps bien émouvant. C'est une girafe qui a fait ses adieux à un employé de zoo qui était mourant, atteint d'un cancer. Mario, 54 ans, oui, souhaitait de revoir les animaux dont il s'est occupé pendant plus de 25 ans. Il a reçu un émouvant baiser d'une girafe. Malgré un cancer en phase terminale aux employés du zoo de Rotterdam, eh bien, on a pu faire ses adieux au zoo. Mario, donc, atteint d'un handicap mental, s'est chargé de nourrir et nettoyer foyer des Enclos pendant plus de 25 ans. Paralysé et incapable de parler, il a pu réaliser son souhait à revoir une dernière fois les animaux grâce à l'association Ambulance Witch Foundation. Une girafe donc a profité de la visite de Mario pour lui renifler et lui lécher le visage un petit coup. Un moment qui a été photographié et partagé sur la page Facebook de l'association. Le cliché a rapidement circulé sur Internet jusqu'à la page d'accueil du site de partage Reddit. Belle histoire, triste, mais en même temps bien émouvant. Et c'est, je pense que c'était un beau geste de la Fondation. Et finalement, ils n'ont pas pu calculer ça, mais un très beau geste de la part de cette girafe. Tiens, ici, on va aller vers cette annonce hilarante pour vendre une voiture. On va se faire cette dernière-là, finalement. Je viens de voir l'heure avant d'aller plutôt en pause publicitaire. Alors, pour vendre sa Citroën Xara, c'est un internaute qui a choisi, comme beaucoup, hein, la méthode de la petite annonce. Mais pour se démarquer, il a opté pour la carte de l'originalité et de l'humour. Donc, on va aller voir ça. Pour vendre sa Citroën de 88 000 km au compteur, le propriétaire a ainsi fait preuve d'humour pour décrire son véhicule. Et je le cite, « Idéal pour transporter une famille moderne ou un surf ou encore un énorme chien, voire un couple de sangliers renversés par mégarde. Ce monospace Citroën Xera Picasso HDI 110 vous permettra aussi d'amener tout ce petit monde en vacances sans avoir l'air d'un plouc. » C'est ce qu'il écrit, tu sais, avant d'embrayer sur des arguments de vente plus hilarants. Sa couleur est bleu roi. Moi, je trouve qu'elle a l'air mauve, mais donc, ça fait plus viril de dire bleu roi. Il est du dernier chic tout en restant discret parce que vous et moi sommes des personnes de bon goût, n'est-ce pas? Pas du genre tapageur et amateur de rouge Ferrari. Plus loin, il liste tous les accessoires que comprend son bolide avant de vanter ses principaux atouts. Les fauteuils sont bien évidemment escamotables et les sièges avant peuvent être mis en position allongée. Promesse de sieste impromptue en cas de coup de fatigue avant que vos enfants ne découvrent que ce fait. Ça fait aussi de fantastiques toboggans. L'internaute précise enfin qu'il souhaite vendre son véhicule afin d'investir dans un beau vieux camping-car pour avoir l'air d'une famille de ploucs et explique que le prix annoncé est à débattre, mais que l'argent leur servira à rembourser le prêt de la voiture et à enrichir la banque. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Pour les représentations de cette semaine, le rôle de Jean-Philippe Charbonneau sera interprété par Stéphanie Paradis et le rôle de Stéphanie Paradis sera interprété par Jean-Philippe Charbonneau. Maintenant, Jean-Philippe, tu sais, le mardi, on aime parler de choses osées. Oui. C'est comme ça, peut-être pas aussi tôt que ça, mais là, c'est vraiment très, très tôt pour de l'oser. Ah, il est jamais trop de bonheur. C'est ça. On est capable, on est des morning wood. On ouais. est des hommes. C'est ça, des hommes virils. On pense juste au sexe. Aux 7 secondes. Aux 7 secondes. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique où on parle de choses qui s'adressent à un public plus ou moins averti. Donc, cachez les enfants, cachez vos blondes, vos femmes. Cachez-les qui écoutent la radio en cachette. C'est ça, ben oui, c'est comme tout le monde va le faire. Après ça, vous allez avoir quelque chose en commun avec vos enfants. Si jamais ils l'écoutent à part, tu sais. On est dans un sujet de conversation, on parle par exemple de jouets sexuels en forme de scie. Hein? Là, de scie, tu parles pas de la note de musique, là. Si, si, si, signor. En forme d'italien. D'italien, voilà. Ou l'espagnol, je sais plus, hein. Si. Me semble c'est italien, ça. Ah, en tout cas. Donc, c'est la Foxa. Très simple, on va le dire comme ça. On va même pas censurer parce que les gens ne comprennent pas l'anglais. Donc, la Foxa, c'est une scie qu'on tient dans sa main. Tu sais, des petites scies électriques, là, genre avec une gâchette. Là. Hein? Une petite scie. C'est une petite scie où il y a une lame au bout. Puis là, tu sais, c'est comme une drill, mais il y a une scie. OK. Je pensais que c'était pour trancher la dinde à Noël. Aussi, ça fonctionne pour ça aussi. En effet, j'ai déjà vu des gens s'en servir. Donc, c'est une reciprocating saw qu'on appelle en anglais. Donc, c'est un objet sexuel, en fait, mais en forme de ça. Ça a la même puissance. Donc, en forme de quoi? C'est parce qu'on le voit pas à radio quand tu le dis, en forme de ça. En forme de cette scie à drill. OK, ça. Ce dont on parlait il y a 3 secondes, exact. Donc, c'est fait pour driller dans

présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je vous parle de Lacey Wide. Eh bien oui, elle fait partie de la même gang que l'autre tantôt. Là. Elle rêve, elle, pas de ressembler à une poupée gonflable, non. Elle rêve, elle, d'avoir la plus grosse poitrine du monde. Simplement, hein? Rien de plus simple que ça. Hein? Il y a des gens qui veulent réussir leur vie, hein? Ben, ça leur prend juste des gros seins immenses. Donc, l'histoire de Lacey Wide, une femme de 45 ans, maman de 6 enfants, dont le plus grand rêve est d'avoir les plus gros seins du monde. Et quelles que soient les conséquences, elle aussi, elle s'en fout. Hein? Malgré de nombreux drames, certaines femmes continuent de souhaiter plus que tout de posséder des poitrines démesurées, coûte que coûte. Et donc, ça me fait penser beaucoup à cette émission. La semaine passée qu'il y a eu, je pense, c'est les beaux malaises avec Martin Matt. Et puis, parlait de ses refaits. En tout cas, c'est un autre sujet. Tiens, donc déjà, oui, plutôt bien dotée suite à de nombreuses opérations, plus de 22 selon elle, et plus de 250 000 euros dépensés en chirurgie esthétique. La bimbo continue dans la surenchère et souhaite à nouveau augmenter la taille de sa poitrine. Comme elle l'évoque dans un reportage signé Barcroft TV, elle souhaite ainsi passer d'un bonnet triple L à un bonnet Q. Et même si ses seins pèsent aujourd'hui près de 10 kilos. OK! Le poids que l'on imagine pas forcément évident à assumer dans les actions simples du quotidien, ce qu'elle confirme d'ailleurs, ainsi, il lui est impossible de courir ou de faire à manger sans se brûler. Pas évident, hein? Pas vraiment facile lorsqu'on est une maman de 45 ans. Mais cette gêne n'arrête pas sa détermination dans sa quête des seins. Non, non, pas parfait et même un corps parfait. Là, la phrase est vraiment, c'est loin d'être des seins parfaits et même c'est loin d'être un corps parfait. C'est pas parce qu'elle a mis 300 000, là, hein? Elle dit justement, « J'ai dépensé plus de 300 000 $ pour avoir le corps en plastique le plus extrême du monde. Je ne suis pas seulement obsédé par mes seins, je suis obsédé par mon look en général. Je veux avoir un corps parfait. » Ben, désolé, madame, c'est déjà raté. Et plus que vous en mettez dedans, plus que c'est raté. Forcément, ses enfants ne sont pas toujours d'accord avec son choix de vie. Sa fille adolescente fait ainsi part d'un certain embarras lorsqu'elle se balade avec sa mère dans la rue. Souvent, les filles se moquent d'elle alors que les hommes, lui, viennent, viennent lui demander son numéro de téléphone. La jeune fille, et puis on peut comprendre, moi, je serais vraiment gêné si c'était ma mère, là. C'est très embarrassant, raconte la jeune fille. Qu'à cela ne tienne, Lacey Wide ne compte pas s'arrêter là et malgré les risques d'une énième opération pour sa santé, eh bien, elle nous dit, si l'opération se passe mal, je pourrais perdre mes seins ou même mourir. Je ne veux pas y penser. Je veux pas aussi... OK. Elle dit, je peux peut-être mourir, je peux perdre mes seins, mais je veux pas y penser parce que je veux pas vivre une vie avec des regrets. Hein? Elle, sans regrets. Wow, bravo, championne. Vous le savez, c'est les élections bientôt. Déjà, il me semble qu'il y a eu une baisse hein, dans l'activité et puis dans le buzz autour des élections. Par rapport à ça, justement, je vous invite demain à 13h, oui, à 13h sur les ondes de C'est fou, eh bien, il va y avoir le débat des candidats aux élections provinciales 2014, directement en ondes ici, et c'est en direct de la Chasse-Galerie, donc vous pouvez venir même à la Chasse-Galerie si vous avez des questions à poser, mais donc vous allez pouvoir les entendre, les candidats de la région Trois-Rivières. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui! L'émission va s'arrêter, va être de 11h à midi. Mais sinon, il y a une nouveauté, là, il y a un nouveau buzz. Hein? Il y a tout le temps des nouveaux buzz. Je pense à chaque jour, il y a un nouveau buzz sur Internet. Eh bien là, c'est les selfie-isoloirs. Alors, c'est de faire des selfies. Vous connaissez le selfie, là, c'est déjà rendu passé date. Mais dans l'isoloir, au moment de voter. Alors, vous, est-ce que vous allez participer à ce buzz? Moi, je vous le dis, non. Mais en tout cas, je vous dis, ça existe. On s'en va plutôt du côté de la science, hein? Assez les conneries. Non, c'est pas vrai, il y en a encore tellement d'autres. L'effet Leidenfrost, c'est ce moment incroyable où les gouttes d'eau lévitent au-dessus d'une surface chaude. C'est une vidéo que je vous propose qui est très intéressante et qui explique un des phénomènes physiques les plus étonnants. À une certaine température, le liquide ne s'évapore plus lorsqu'il entre en contact avec une surface de cette température. Il est en totale lévitation. La magie n'a rien à voir là-dedans et pourtant, on pourrait presque croire à une illusion. Il est difficile à croire et à imaginer qu'une goutte d'eau puisse être en totale lévitation au-dessus d'une plaque chauffante. Et c'est pourtant possible et ceci s'appelle l'effet de Leidenfrost. Les sciences physiques ont cette particularité d'être une science d'exception. En effet, contrairement à de nombreuses autres disciplines scientifiques, celle-ci raconte la nature et les phénomènes qui en découlent. Un phénomène simple connaît également de nombreuses complexités, estime le docteur Kei Takishina. La complexité naturelle en question est celle des gouttes d'eau flottant au-dessus d'une plaque chauffante. Dans la vidéo que je vous propose, publiée sur Internet, il est expliqué qu'en déposant quelques gouttes d'eau sur une surface chaude, ces dernières s'évaporent directement. Mais en continuant à chauffer la surface, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, à une certaine température, les gouttes d'eau ne s'évaporent plus. En effet, elles restent à la surface de cette surface chauffée et semblent être en totale lévitation. Ce phénomène a été expliqué et décrit pour la première fois en 1756 par le docteur allemand nommé Johann Gottlob Leidenfrost, d'où le nom de ce phénomène. L'effet Leidenfrost, ce phénomène physique, s'explique tout simplement par le fait qu'à partir d'une certaine température, environ 160 degrés Celsius pour l'eau, la goutte s'évapore uniquement dans sa partie inférieure. De ce fait, la fine couche de gaz se situant entre la surface chaude et le reste de la goutte protège cette dernière de la chaleur et l'empêche ainsi de s'évaporer. Mais le docteur Kei Takishina est allé encore plus loin dans cette expérience réalisée avec son équipe. Ce dernier s'est aperçu que les gouttes d'eau n'étaient pas tout le temps en lévitation. Lorsque la température de la surface est trop forte, les gouttes d'eau ne sont plus en totale lévitation. Oui, et leur espérance de vie est diminuée. Selon diverses expériences dans ce domaine et plusieurs graphiques, on s'aperçoit que l'espérance de vie d'une goutte d'eau est à son maximum lorsque la température est à 200 degrés Celsius. Dans ce cas, la goutte d'eau peut être en lévitation pendant plus d'une minute. C'est génial. Le docteur Kei Takishina s'est également aperçu que la goutte d'eau pouvait changer de direction en fonction de la température de la plaque chauffée. Et c'est dans ce contexte qu'il a conçu une sorte de petit circuit composé de surfaces chauffées, oui, à différentes températures. On peut alors remarquer que les gouttes d'eau se promènent et changent de direction dans une sorte de labyrinthe. Vraiment, la science, c'est vraiment de la magie, finalement. C'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. Tiens, je vais vous faire un dernier article ici avant d'aller en musique. C'est Miss Travel, ou l'incroyable site qui permet aux jolies filles de voyager gratuitement. Assez particulier, ça, hein? Donc, un site Internet qui propose aux femmes attractives de voyager gratuitement en compagnie de riches inconnus. Nommé Miss Travel, il comporte même un système de 1000 accumulés pour obtenir d'autres voyages gratuits vers la destination de son choix. Son argument de choc, c'est « La vie est courte, il y a beaucoup d'endroits à voir. » Et puis, il est écrit, c'est ça, les belles filles devraient pouvoir voyager gratuitement. C'est un peu ça qu'on peut traduire là, sur leur site. Donc, on le sait, voyager, cela peut revenir assez cher, justement. Le site mistravel.com a trouvé la façon d'y remédier en offrant la possibilité de voyager gratuitement. Seulement pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faudra être une femme et correspondre à un profil bien particulier, celui des femmes à rack. Autrement dit, les jolies filles. Ce site, pour le moins innovant, oui, mais en même temps, ça peut être un peu dégradant, hein, a pour but de réunir deux catégories de personnes. Les voyageurs aisés, donc les vieux riches, généreux et n'aimant pas voyager seuls, puis ceux qui aiment bien flasher avec des jeunes filles, hein, et les femmes séduisantes, désireuses de découvrir le monde, mais ne bénéficiant pas de moyens suffisants. Là, je vois déjà plein de filles que je connais qui veulent voyager, qui sont en train d'aller s'inscrire là-dessus. Ben oui. Finalement, c'est comme un peu de la prostitution pour voyager. Hein? C'est ce qu'on pourrait dire. On paye avec des voyages. Je l'ai dit, mais je le pense. Là. Permettre de compenser sa solitude par son argent ou son manque d'argent, par son physique. Voilà le service proposé par Miss Travel. C'est, en tout cas, hein? C'est bien douteux, cela. C'est là que les choses deviennent moins claires. Il est écrit « En tout bien, tout honneur, point d'interrogation ». C'est moins clair, hein, puisque la réponse variera en fonction des usagers du site. Si rien n'est obligatoire et que chacun dispose de son corps comme il l'entend, on imagine que des pressions sont possibles. D'ailleurs, les gérants du site qui ont tenu à y préciser que les escort girls ne sont pas les bienvenues. Ouais, ça c'est pour bien paraître, hein. Pourtant, avec un concept proposant à une jolie femme d'accompagner quelqu'un en échange d'un voyage, le site semble s'approcher de pas mal ça. C'est pas mal un escorte. C'est même, je vous dirais, exactement la même chose. Sauf que vous n'avez pas besoin de passer par une agence d'escorte. Vous pouvez faire ça de chez vous, vous proposer vous-même. Pour ses utilisatrices, Miss Travel a même mis en place un système de 1000 cumulables pour gagner des voyages par la suite dans des destinations de leur choix pour convaincre de nouvelles jolies filles à s'inscrire gratuitement sur le site. Miss Travel a réalisé une publicité de très bon goût. Ah oui, très relatif. On y entend que des médecins, avocats, banquiers, athlètes, dirigeants et entrepreneurs ont de l'argent et qu'ils sont prêts à le dépenser pour vous. Alors qu'attendez-vous? La vie est courte et il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas, si c'est pas un service d'escorte, moi, je sais pas c'est quoi. Pour vrai, c'est un service d'escorte ou de prostitution déguisée. Là. Venez me faire à croire le contraire. En tout cas, très, très particulier. Sur ce, eh bien, on va se faire une nouvelle qui, en même temps, va nous proposer sûrement la pièce musicale qui s'en vient. Quand même assez sympathique. C'est Brucey One String qui fait le buzz avec sa guitare à une corde. Ça le dit, hein? Brucey One String. Alors, c'est un talentueux musicien. Musicien, moi, je trouve pas. Pour vrai, là, j'ai écouté... talentueux musicien. Moi, je vous dis, c'est un très, très bon chanteur, mélodiste dans sa voix. Au rythme aussi, c'est bien, mais quand même, il joue quand même juste avec une corde. C'est difficile de te tromper dans les autres cordes, mettons. Il n'y a pas beaucoup d'accords non plus à réaliser là-dessus, mais vraiment, très, très sympathique. Le résultat, lui, ben, il est bon. Puis vous allez le voir, on va l'écouter même ensemble. Est-ce qu'il veut Brucey One String? OK, bien, on va essayer de faire de quoi? Parce que sur le site, il ne le veut pas, mais sur YouTube, là, je suis sûr que ça va fonctionner. Je suis pas mal sûr. Donc, si je vous rappelle, ben c'est ça. C'est un gars qui est dans la rue, OK, et qui chante avec sa corde et son talent, tout simplement. Donc, on va aller l'écouter, tiens. C'est une belle performance. Et puis, comme j'ai dit tantôt en début d'émission, c'est aussi bon que bien du stock folk qui sort au Québec. Et puis, le gars, ben, une voix, du tapotage sur sa guitare, ben, ça réalise un bon, quand même une bonne track. Yeah, man, on y va. Tiens. The only one string guitarist right in and around the world. Seeing, I am what I am. I am the day I am that I am. Exclusive. Tcha! Watch this. You know my name is Brucey One String, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He say, hey, One String, there's something you got to know, you know. I say, yeah. While we back on San Francisco, this is where we go. We sing this whole country song like this. Chicken and corn on the corn can grow, mama. Hey, when chicken and corn on the corn can grow. Hey, when chicken and corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Hey, young man, we're on San Francisco. Yeah, we have with my friend and his name was Pancho. Yeah, he said one string, there's something you got to know. On back on saddles and the rasses, where we go with some. Chicken and corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Hey, hey, when chicken and corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Hey, don't need to bread, don't need to bowl. I get rubbing for my pillow when I pull to pull. But the music nice, so play them twice. While the girls are screaming out like bass. My name is Rushy, I'm a king of swing. That's a rap your music, can't let you sing. No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on the. Yeah. Rap my music night and day. When chicken and corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Now, chicken and corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Yeah, ready, beating, beating, don't rat, don't rat, I'm But the music nice, so we'll play them twice. For the goals are screaming out like mass. My name is Bushy, the king of swing. There's a rapping music and to let you sing. And we doesn't really matter what people wanna say. I rap my music night and day. Eh bien oui, c'était Chicken in the Corn par Brucey One String. Et ça a fait quand même un succès, cette pièce-là. C'est la 4,833,484 vues qu'on vient de faire à l'instant. Et la pièce est disponible sur iTunes et tous les autres vendeurs numériques. Quand même assez particulier, hein? Vraiment une simplicité assumée dans ce jeu instrumental. Et moi, je trouve que c'est sa voix au gars. C'est son côté mélodisque est vraiment bien, bien intéressant. Et puis, ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est déjà fait. Si vous avez pas aimé ça, c'est déjà passé. On parle ici de l'incroyable histoire de Paul Frank Zach, qui est un bébé qui a été volé en 1964 et qui reste toujours introuvable. Moi, c'est ce qui ça m'a complètement saisi, le titre, parce que si... écoute, ça ne doit pas être le seul, là. Écoute, il y en a eu des enlèvements ou des bébés volés, mais en tout cas, on va aller voir. Une histoire donc digne d'un des romans policiers les plus sombres ou d'un drame hollywoodien. Paul Frank Zach a été volé au lendemain de sa naissance à Chicago et encore aujourd'hui, personne n'a pu le retrouver, et ce, malgré les efforts de la police. OK. Donc, focus sur cette histoire donc qui a bouleversé les États-Unis dans les années 60 et qui est encore aujourd'hui un véritable mystère complet rempli de rebondissements. Donc, ce mystère qui dure toujours aujourd'hui depuis plus d'un demi-siècle, Paul Frank Zach, est un bébé volé au lendemain de sa naissance et toujours introuvable après 49 ans de disparition. Hein? Et pourquoi qu'on nous dit tantôt depuis les années 60, depuis 50 ans? Ben, 50 ans, 49 ans, Danny, allume. Donc, il faut avouer que l'histoire de Paul Frank Zach, le bébé volé à sa naissance, a secoué les États-Unis. Nous sommes à l'époque, en 1964, à l'hôpital Michael Reese de Chicago, lorsque naît Paul, progéniture de Dora et Chester Frank Zach. Alors que les deux parents ont eu la joie d'accueillir leur petit garçon, voici qu'ils apprennent au lendemain de sa naissance que leur petit bébé a été volé. D'après l'enquête de la police, la personne coupable de cet événement s'était déguisée en infirmière et depuis, personne n'a réussi à mettre la main sur elle, ni sur Paul Frank Zach. Toutefois, Chester et Dora ont retrouvé l'espoir lorsqu'un an et demi plus tard, un enfant abandonné a été signalé à Newark, dans l'État du New Jersey, à l'est des États-Unis. Le bébé est alors âgé d'un an et demi, tout comme Paul. Il avait été retrouvé dans sa poussette abandonnée, reconnaissant ce nourrisson comme étant leur fils. Chester et Dora Frank Zach l'ont adopté et élevé comme s'il s'agissait de leur véritable petit Paul, chose qu'ils croyaient vraiment. Mais plusieurs décennies après ce rebondissement, voici que le prétendu Paul Frank Zach a décidé de faire un test d'ADN pour savoir si Chester et Dora étaient bel et bien ses vrais parents. Malheureusement, celui qui avait été élevé comme Paul Fonzac n'était pas le vrai Paul. Grand bouleversement dans cette famille, c'est alors qu'au mois de novembre dernier, l'enquête a été ouverte à nouveau avec l'aide des enquêteurs d'ABC News qui ont pris cette affaire à cœur. Un portrait de Paul Frank Zach dessiné par des artistes travaillant avec le FBI a alors été diffusé et à cette diffusion, ABC News a reçu l'appel d'un homme dénommé Sam Miller, ressemblant comme deux gouttes d'eau au portrait de Paul. Aujourd'hui, l'homme a expliqué qu'il avait été élevé et avait grandi dans la banlieue de Chicago. Quand j'ai vu le portrait, eh bien, j'étais choqué. Je lui ressemble vraiment et personnellement, je n'ai aucune idée d'où je viens. C'est ce qu'il a expliqué à la ABC. Effectivement, Sam Miller a expliqué avoir découvert il y a un an qu'il avait été adopté après une maladie rénale, qui avait révélé la différence de son ADN avec celui de ses parents d'adoption. Malheureusement pour lui et les parents de Paul Frank Zach, Sam Miller n'est pas non plus le petit Paul volé au lendemain de sa naissance. Un test d'ADN l'a certifié. Me voilà donc aujourd'hui totalement désemparé. J'espère pouvoir trouver aujourd'hui un rein, trouver ma vraie famille et pouvoir avancer dans ma vie parce qu'aujourd'hui, je suis bien plus près de la fin que du début. C'est ce qu'il a déclaré. Les larmes aux yeux. Donc, étrange histoire et incroyable histoire de Paul Frank Zach. Vraiment très particulier. Sur ce, on continue. Des paysages célèbres qui sont beaucoup moins impressionnants

écœurant. Ça devait être très classe. Oui. Comment tu décris ça, là? Je sais pas. C'est classe, oui. Mais non, mais comme look, mettons, ça fait très arty, là. Ça fait arty, ouais. Ça faisait folk, puis je suis sûr que les artistes ont eu cette vibe-là aussi en entrant dans la place. En tout cas, c'était vraiment bien. Chapeau aux organisateurs qui ont trouvé cette place-là, qui, soit dit, et Jean-Philippe Charbonneau, Camille Goulet, et j'en passe, il y en a plusieurs d'autres. Sabrina Soucy, si je ne me trompe pas, aussi, sont quelques-uns dans ce projet-là. Ils font des jobs hallucinants. Vraiment, vrai, là, vraiment. Très, très bel job. Et puis, c'est le fun qu'il y ait eu une réponse, hein, je pense, quand même, parce que c'était pas après, mettons, des bands bien, bien connus. Oui. Là, c'était un peu moins connu. C'était moins connu, mais il y a quand même eu plus de 80 personnes. Je pense même qu'à un moment donné, il y avait, dans l'endroit, il y avait une centaine de personnes. Ben, à Trois-Rivières, faire un show, bing-bang, comme ça. C'est 80 personnes, c'est un coup de maître. Oui, oh, puis c'est un coup de maître, effectivement. Vraiment. Puis en plus, tu lances des dés, puis tu sais pas trop quel poignet. Puis ça marche vraiment bien dans l'affaire. Il commence à avoir encore plus de publicité partout à Radio-Canada. Oui, il en parle. Exact. Puis il y a beaucoup de monde qui ne sont pas étudiants, qui suivent ces soirées cachées-là. Donc, c'est la réussite totale. Vraiment. Et puis moi, j'ai eu des petits comebacks. De plus en plus de Ben écrivent à Alain Lefebvre, qui est directeur de la programmation, pour proposer leur Ben. Leur Ben. Ils veulent jouer des soirées cachées. Mais ça, c'est génial. Cool, mais parce qu'avant, il fallait qu'ils cherchent des Ben. Puis qu'ils convainquent de venir, puis tout. Mais là, ça se fait comme tout seul. C'est génial, ça. Puis surtout que. Parce que là, ça commence. Ils ont donné beaucoup de crédibilité à ce mouvement-là. Parce qu'il y a quand même eu Kid Kuna qui est venu, il y a eu Mono Grenade. Donc, c'est quand même des Ben qui sont. Des Fanny Bloom, des affaires de Fanny Bloom, exactement. Je pense même que Claude Pelgag est venu. Non. Hey, j'aimerais tout ça. Ouais, mais on lance une idée comme ça. Si vous êtes à l'écoute. La petite Clo, par exemple, c'est terrible. Ouais, effectivement. Mais en fait, là, j'ai même pas dit les artistes qui se sont présentés là. Il y avait Coco Méliès qui était en première partie, qui ont très, très bien mis la table pour le. Moi, c'est un nom de Ben que je connaissais, mais je connais pas ce qu'ils font. Mais j'avais déjà. Attends, saisis le nom. Ouais, ben tu sais, c'est évidemment, c'est pour ce soirée-là, tu pouvais pas aller avec autre chose que du folk. Ouais. C'est vraiment eux, c'est du folk acoustique. Puis quand ils ont dit débrancher, c'était totalement débranché. Là. Ok. Parce que durant le spectacle, il y a comme eu un petit problème technique, leur guitare marchait pas. Mais la foule était tellement dedans, puis tellement silencieuse qu'il y avait même pas besoin de micro à un certain point. Puis ils chantaient juste avec le son de la guitare acoustique. Fait que c'était vraiment, vraiment chaleureux comme ambiance. Vraiment. C'était vraiment cool. C'était magique. Leur prestation était vraiment hallucinante. Eux autres, ils étaient comme en première partie. En première partie, oui. Puis eux, c'est un peu drôle parce que je me suis informé. Puis c'est un couple dans la réalité. Dans la vie, là. Dans la vraie vie. Fait que ça, je la trouvais super cute, mais non, ça marche Félix, pas. Mais non. Non, ça marche pas parce que son chum, c'est David Méliès. Puis elle s'appelle Francesca. Je me rappelle plus son nom de famille. Francesca Coco, je pense. Mais je vais le retrouver. Faudrait que ça devienne. Como. Francesca Como. Oui, exactement. Faudrait que ça devienne Coco Fader. Coco Fader, oui, ça pourrait. Ça pourrait marcher. Mais moi, je pourrais juste jouer la tambourine. ça marcherait pas fort. Là. Ouais, OK. Je suis meilleur avec la plume. Arrête, là. T'es capable de tout. Tu as de tout. Sky is the limit. The sky is the limit. Francesca Como, qui a une très belle voix, une voix un peu grave. C'est pas une voix aiguë, mais qui est quand même capable d'aller dans les répertoires un peu plus aigus, mais une voix grave, puis très apaisante. J'aime ça des filles qui avec une voix grave, c'est fun. Mais vraiment projetante, je sais pas, forte, puis c'est de la douceur, mais forte. Fait que c'est beau, c'est beau. Le contraste entre les deux fait un très bel effet pour le spectateur. Et c'est tellement dans le couple, c'est elle qui a les couilles. Ben, je n'osais pas le dire. C'est ce que je m'en allais. Je n'osais pas le dire, mais c'est elle qui menait tout le long. C'est lui, il était en arrière, David Méliès en arrière, il jouait de la guitare, mais on dirait qu'il est écoutant. Il est écoutant, ouais. Mais tu sais. C'est elle qui a mis son nom en premier, hein? Ouais, évidemment. Mais tu sais, moi, je ne me mets pas leur affaire de couple, tu sais. Ça, c'est pas de mes affaires. Non, non, non. Mais elle était cute, en tout cas. Elle était super belle. En plus, ça a ajouté à la, à la performance. Je veux dire, c'est de l'art total qu'ils font. Mm-hmm. C'est bien. Ben, c'est sûr que quand quelqu'un est sur une scène et qu'il est belle ou il est beau, c'est encore plus intéressant. Ben, sérieux. Je suis sûr que oui. Moi, ben, pour vrai, ben non, ça va avec. Ben, exactement. Ça fait partie du show. Là. Ça fait partie aussi du show, mais aussi du showbiz. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Ça fait ses marques. On était jeunes, on était beaux. Je suis jeune, je suis encore beau. Toi, jeune. Oui. Toi, oui. Mais je parle pour moi. Ah, OK. Sinon, il y avait Eliott Maginot. Maginot, que je connaissais, mais pas mais Moi non plus. Okay. Puis sais-tu que c'est une belle révélation? Okay. C'est un très bon musicien. Il était en arrière, il avait un piano. C'est vraiment assez particulier parce qu'il y avait un piano et il y avait une guitare à la fois. J'avais vraiment vu ça. Normalement, il se produit avec d'autres musiciens, mais ce soir, il avait fait le choix de se produire seul, qui n'a pas été un mauvais choix, soit dit en passant. Mais vraiment, on sent une maîtrise d'instruments, des voix, une voix très contrôlée. Puis la sienne était plus aérienne, puis quasiment plus aiguë que Coco Méliès. Oh, oui. Donc, c'était bien. C'était vraiment. Ça allait justement dans l'ambiance. Mais Coco Méliès a tellement. T'as plus touché un peu. Oui, mais a tellement mis la table pour Elliott Maginot que finalement. Ça s'est demandé c'est qui le premier. Ouais, mais je pense que dans ce cas-là, il y avait comme une collaboration. Parce que, comme je te dis, moi, je connaissais aucunement Elliott. Les deux. J'avais déjà entendu au moins Coco Méliès, j'avais déjà entendu le nom. Ouais. Jamais Elliott Maginot. Fait que je pense que dans ce temps-là, c'est plus une collaboration. Ils ont partagé la scène. Ils ont partagé la scène, oui, c'est vrai. On peut dire ça comme ça. Il aurait pu lancer l'idée pour savoir qui allait être en premier, mais bref. Bon, peut-être Elliott Maginot coûtait plus cher. Oui, peut-être, parce que d'ailleurs, Elliott Maginot, ça va quand même bien, ses affaires. Parce que là, il s'en va faire la première partie des Sœurs Boulées en fin de semaine, justement, samedi soir, à la Maison de la culture de Sœurs Boulées. Ici à Trois-Rivières. Donc, Elliott Maginot sera en première partie. Donc, c'est cool. À découvrir, si vous n'étiez pas là. Oui. Mais en même temps, si je me dis qu'il y avait 80 personnes à Trois-Rivières, tu veux qu'on en mette, oui? Oui, on peut en mettre. Oui, c'est bon. Mais s'il y avait 80 personnes ici, dans un show qui n'est pas annoncé, etc. Ça veut dire qu'il y avait du monde qui le connaissait. Oui, ou en tout cas, il y a du monde bien intéressé par la musique. Mais le pire, c'est qu'il était très, très bien, mais c'est juste que les deux, je ne sais pas pourquoi, ils ont vraiment fait un choc en avant, en entrant avant, puis ils étaient bons, les du Coco Méliès. Mais Elliott Maginot, très bon musicien, très bon, mais il y a juste une affaire qui est dommage, c'est que les deux shows, les deux, c'est ils chantent en anglais. Triste un peu, ça. Triste, parce que j'aurais vu un genre de Louis-Jean Cormier arriver en devenir peut-être, là, arriver avec sa guitare pour faire du folk en français, ça aurait été encore plus magique. Là. Donc, on va aller écouter une pièce de Elliott Maginot, Le siècle bruyant, donc elle va peut-être être en français. Ben, ouais, peut-être. Ben, ça serait cool. Ça serait cool, si vous découvrir ça. On va découvrir ça. On écoute ça là. Ça a l'air d'être en spectacle. Mais c'est cool parce que c'est une Indica Session qui est le label Indica. Wow. Donc, ça devrait être assez de qualité, le son. On écoute. On écoute. La route qu'ils ont prise s'effacera. Et comme une ombre transportée par le vent, le pavé chante sous nos pas. Leur tête lourde prise dans une main opaque, sombreront bien avant leur temps. Et quand leurs âmes couleront au fond des lacs, commencera l'âge triomphant. S'empilant comme les cils mortes, quand la saison sera propice à la chasse, ils se bousculeront à la porte. La paix qui vient nous lavera de nos crimes, mais si le ciel reste clément, nous devons fuir pour éviter l'abîme et perdre notre chemin festin. brillant. Et comment sera le siècle? Et tremble les rois, et brûle les troncs, et coule les toiles, enchante tout le monde. Et tremble les rois, et brûle les troncs, et coule les toiles, enchante tout le monde. Et tremble les rois. Éliott Maginot, hein, avec ouais. Le siècle bruyant qui était, soit dit en passant, vraiment meilleur en français qu'en anglais. C'est ce qu'on parlait. Ouais. C'est triste que le gars fasse pas beaucoup de pièces en français. Oui, parce que c'était sa musique avait une plus grande profondeur là, en français, qu'en anglais. Ben, c'est... Peut-être c'est plus lui, dans le vrai fond des vrais choses. Oui, mais c'est... parce que Éliott Maginot, ça fait pas mal plus francophone, oui. On va te dire. Éliott Maginot. Ça... Maginot. Maginot. Éliott Maginot. Ben, non. Non, mais français. Sérieusement, cet artiste-là, on pourrait lui écrire une chanson, un courriel pour lui mentionner que le français lui va beaucoup mieux que l'anglais, malheureusement. Mm-hmm. Oui. S'obstiner à faire de la musique en anglais, c'est, on dirait... Ben, c'est parce qu'en plus, oui, tu vas peut-être... T'as une chance de pogner à travers le monde, mais il y en a-tu à tasser, par exemple, aussi, avant de pogner à travers le monde? Pas tant. Non, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y a tellement de monde qui chante en anglais que dans tous les pays du monde que tu te démarqueras pas. Non, puis moi, je serais curieux de voir quels francophones, tu sais, qui ont vraiment pogné planétairement. Tu sais, on peut dire, il y a Simple Plan, oui, évidemment, mais tu sais... Ouais, je comprends. Mais quel groupe, il faudrait que j'y connaisse, peut-être qu'il y en a plein, là, mais c'est peut-être... Arcade Fire, du monde qui sont francophones. Oui, Origine... Ouais, c'est ça, il y en a... Mais il y en a une, elle, c'est son chum vient du Texas. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est un petit marché, puis il y a beaucoup de bands au Québec qui s'ostinent à faire des choses en anglais. Puis des fois, ça révèle pas leur vraie personnalité, comme Éliott Maginot, qui a vraiment une belle personnalité, un beau chant, une belle voix, encore plus belle en français. C'est malheureux. Mais bon, ça n'enlève rien au spectacle qui a eu lieu. Non, c'est ça, exact. C'était vraiment merveilleux, ce spectacle-là. Si ça nous intéresserait pas, on n'en parlerait juste même pas. Exactement, exactement. Non, c'est ça, exactement. Si c'était mauvais, on n'en aurait pas parlé. Mais c'était vraiment hallucinant. Donc, à suivre, les prochaines soirées cachées, c'est fou. Je pense qu'il en reste une dernière. Oui, mais ça, les organisateurs, ils ont dit qu'il y en avait une. Trois ou quatre par session qu'ils visaient. Là. Ben, à la base, ils voulaient une par mois, mais là, ça a été comme long avant de starter pour la dernière session. C'est ça. Fait qu'ils se sont mis go, on en fait quelques-unes. Ben, on aime ça. Là, après ça, on change totalement de veine. Oui. On va aller dans le livre, dans le monde du livre. Parfait, c'est le Salon du livre, je pense, qui s'en vient. En fin de semaine, c'est le Salon du livre. Il y a une première provinciale du spectacle intitulé « Lèche ton livre ». C'est drôle, là, ça fait bizarre, mais c'est vraiment... Ben moi, j'ai plein d'idées, là, des images qui arrivent. Mais c'est l'idée originale de Véronique Marcotte, une auteure. Puis, sympathique jeune femme, en plus. Oui, très. Vraiment. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Ah non, elle est vraiment fine. Ouais. Véronique. Ouais. Mais il me semble, si je vois, j'ai sa photo en face de moi, elle est quand même cute aussi. Elle est très jolie, oui. Mais une vraie femme, là. C'est pas une petite fille, là. Non, une femme. Une femme, une très belle femme. Belle prestance. Et talentueuse. Une fille de la région, en plus. Ah, je savais pas. Oui, à la base, c'est une fille de Trois-Rivières. Ah, OK. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a Rémi-Pierre Paquin qui va jouer dans le. Qui va interpréter Dieu, évidemment. Okay. Mais, fait que c'est Lèche ton livre, ça s'appelle le nom du spectacle. Puis ça nous fait entrer dans l'univers de deux auteurs, Patrick Sénécal et justement la Véronique Marcotte en question. Elle, je pense qu'elle sort avec Stéphane Dompierre. On fait du potin, mais oui. Stéphane Dompierre, qui est un très bon auteur, qui a écrit, ma foi, quelques livres que j'ai vraiment aimés. Des livres de gars. OK. Littérature de gars un peu plus. Là. Moi, j'ai bien aimé Sénécal. Oui, Sénécal. Oh, Seigneur. Je vais faire un aveu, je n'ai jamais lu de Sénécal. Aïe, aïe. Ouais, mais ça je sais pas. Ça fait mal. Oui, parce que les critiques vont dans cette veine-là. J'en ai lu au moins trois, je me rappelle même pas les titres. Il y a quelque chose de particulier dans l'horreur de Sénécal. Il y a comme quelque chose de singulier, puis c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas encore lu, il va falloir que je m'y mette. Là. Je pense que c'était quoi, comment ça s'appelait le livre? En tout cas, je me rappelle plus, mais sérieux, c'est arrivé. Il y en a tellement. Oh, il y a vraiment. Mon frère les a lus tous. Bizarrement, il je les pense a tous. Le seuil. Ça se peut-tu sur le... Oui, ça se peut. Le vide, le, peut-être? Sur le seuil, il y en a. Ah, celui-là, il l'a fait aussi en film, oui. Le vide. Il y avait aussi les 11 jours du Talion, je pense, que Marc-André Gondry a joué dans le film aussi. En tout cas, il y en a plein. Là. C'est un auteur très prolifique, très bon auteur. Mais il y a vraiment un horreur particulier que je n'ai pas lu, qu'il va falloir que je m'y mette. Mais je ne sais pas, j'ai une certaine réticence. C'est hard. Oui, exactement. C'est hard, là. Faut que tu sois capable. L'horreur, moi, c'est pas ma tasse. Mais c'est pas horreur, lui, c'est... plus que ça. Oui, c'est ça. C'est plus dark que de l'horreur, tu sais. Parce que c'est de l'humain. C'est comme, tu sais, le monstre qu'il y a dans chaque humain. Ben, ouais. Un peu à la Émile Procloutier. Là, qui possible, je connais pas assez. Là, tout est trop hot. Là. Moi, je connais juste Sénécal. Sénécal, là. Je l'ai pas encore lu. Exact. Mais Émile Procloutier, c'est un chanteur qui, lui, il révèle le monstre. Il fait les nuances dans les hommes. Il n'y a pas juste du bien, il n'y a pas juste du mal. Il y a aussi quelque chose entre tout, les deux. Là. Oui, puis c'est peut-être ça qui révèle aussi Patrick Sénécal dans son essence. Une écriture particulière. En tout cas, ça fait pas, tu sais, mettons, les gens qui disent ah, littérature québécoise. Ça, c'est que ça sort. Ouais. Puis il est très lu, Sénécal, dans les auteurs, dans la jeunesse québécoise, les jeunes le lisent mais énormément. Mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça va vite. Il n'y a pas des... Il n'y a pas de temps mort. C'est des bonnes briques pourtant, mais tu passes à travers, tu n'es juste pas capable de lâcher le livre. Là. Ah, mais il va falloir que je le mette. Je te le dis, vraiment, c'est très, très bon du Patrick Sénécal. Quand j'aurai un temps libre. Ça me donne le goût de relire du Patrick Sénécal. Puis il y en a qui ont sorti des nouveaux que j'ai pas lus. Oui, il y en a quelques-uns nouveaux, effectivement, tu as raison. Donc, le spectacle s'intitule Lèche ton livre, qui est vendredi le 28 mars à 20h à la salle Anaïs Alain Rousseau. Rimbière Paquin va jouer le rôle du Dieu, j'allais dire du diable. Là, en fait, du Dieu. Puis c'est quand même assez particulier parce que il prend un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme spectacle parce que normalement c'est un spectacle littéraire qui annonce, mais souvent un spectacle littéraire peut sombrer dans le théâtre. Okay. Donc j'ai hâte de voir la nuance qu'ils vont apporter entre les deux. Mais le concept exactement c'est quoi? Et c'est ça, c'est que Rémi-Pierre Paquin prend un peu le contrôle de la scène. Okay. Puis il va se révéler devant le public comme un dieu. Okay. Mais est-ce qu'ils vont lire un passage? Est-ce qu'il va avoir des livres en avant? Je le sais pas. C'est okay. Ça reste à voir. Mais vraiment la trame narrative se bâti autour de ce que je viens de dire, là, justement. Puis c'est un peu de faire entrer les spectateurs dans le monde de ces deux auteurs-là. Okay. Dans le monde de Patrick Sénécal et de Véronique Marcotte. Donc, ça peut être particulier. Vraiment? Fait que j'ai hâte de voir ça. Je compte y aller, donc j'ai hâte de voir. Peut-être si j'y vais, je t'en reparlerai. Lèche ton livre. Lèche ton livre. Je trouve que le titre est vraiment bien. Accrocheur. Et c'est la première provinciale. Okay. Donc, ça va se promener. Ça va se promener, exactement. C'est très bien. Il y a la fabriqueculturelle.tv qu'on peut aller voir un petit extrait. Intéressant site, hein, quand même. Oui, ça vient de sortir. Qui vient de sortir, puis ça fait pouf, puis c'est éclaté. Là. Ça prend de l'ampleur. C'est bien. J'ai vu une couple de capsules là-dessus, puis c'est très bien. Oui. Fait que vous pouvez aller voir ça là-dessus, la fabrique culturelle. Maintenant, encore dans le monde du livre, parce qu'on est dans le salon du livre, on parlait de Patrick Sénécal, son choix n'est pas anodin, c'est le président d'honneur du salon du livre. Et il y a aussi Perrine Leblanc qui fait tabac partout, en fait, parce que partout dans la francophonie. Elle a publié un roman qui s'appelait L'homme blanc, okay. Qu'elle a publié chez Boréal en 2011. Donc, elle a gagné le prix du lieutenant-gouverneur général pour ce livre-là. Et elle l'a réédité et sorti sous le titre Colia chez Gallimard. Mais là, son prochain roman, qui s'intitule Malabour, va sortir vraiment aujourd'hui, en fait, qui est disponible aujourd'hui chez, encore une fois, Gallimard. OK. Donc, c'est Gallimard, on le rappelle, c'est la maison d'édition de la francophonie. Là. Si, quand on publie là-dedans, normalement, les choses vont bien. Normalement. Ouais. Donc, elle publie ça et elle sera au Salon du livre de Trois-Rivières le dimanche. Donc, si vous voulez la rencontrer, c'est... Beaucoup d'auteurs hein, cette année, je pense. Oui, mais un grand absent qui je suis un peu déçu, c'est Robert Lalonde qui ne sera pas là. Okay. Je suis un peu déçu. J'ai fait mon mémoire là, avec lui, en okay. fait. Avec lui. On travaille tout le temps avec un auteur quand on fait une mémoire en littérature. Donc, c'est dommage, il ne sera pas là. Il ne sera pas, mais beaucoup, beaucoup d'autres auteurs. Perrine Leblanc, Stéphane Dompierre, il sera aussi, comme je disais. Véronique Marcotte va être là. Patrick Sénécal, Perrine Leblanc. Ça, c'est du jeudi au dimanche? Du jeudi au dimanche, okay. Exactement. Jeudi 27 mars au dimanche 31 mars. Non, 31, c'est lundi. C'est lundi. Donc, le 30. Oui, ouais, donc c'est ça qu'il y a à faire en fin de semaine. Il y a aussi les Sœurs Boulay qui seront là. Et ça complète un peu ma capsule de Fader Project. C'est super le fun de venir ici. Moi, je suis bien content que tu sois là. Est-ce qu'on se quitte avec Coco Méliès? C'est une bonne idée, ça? Très bonne idée, oui. On va aller voir ça. Oui. Image from the Another Time Sun Studio. On va écouter ça, on va voir ce que ça donne. Oui, on va l'écouter ensemble. Hey, merci beaucoup, Félix-Antoine. Ben, merci à toi, Danny. On se rejase la semaine prochaine. C'est ça, officiel. Parfait. Donc, restez là, le dîner de con se poursuit jusqu'à 13h. On s'en va avec Coco Méliès. Ça part-tu? Ça part de vrai. Ça devrait. Toi, tu pars-tu? Moi, je vais rester pour la pièce, puis je pars après. Ben non. Ben, en tout cas, merci encore. Restez Danny. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Pour les représentations de cette semaine, le rôle de Jean-Philippe Charbonneau sera interprété par Stéphanie Paradis et le rôle de Stéphanie Paradis sera interprété par Jean-Philippe Charbonneau. Véronique Mir, bonjour. Bonjour. Allô. Yeah. Yeah. Véronique Mir. Aux deux semaines qu'on la rencontre et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la lettre H et il y en avait tellement qu'on va continuer avec une deuxième partie. Donc, voici son Véronique-tionnaire. Et Véronique Mir, le Véronique-tionnaire, lettre H, ça va être... horrible. Non, j'ai juste des mots négatifs, on dirait qu'ils commencent par H, non? Non, ouh là non, là, non. Ouh là là, bref, ouh là là. Booba, Booba. Ah, elle est-tu gentille? En plus, Stéphanie, oui. Tu te rappelles, la semaine passée, tu mentionnais que tu n'avais jamais mangé de Booba Booba de ta vie. Puis là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça va se passer en direct pendant la chronique, j'imagine, quelque part là-dedans. Oh boy! Steph qui ça mange va donner des beaux miam, miam, oui. Miam, miam. Ça ressemble à ça avec notre bouffe de la semaine, à toutes les semaines où on mange quelque chose. On a beaucoup de classe à la radio. Donc, il reste tellement de mots de la lettre H qu'on a fait une deuxième chronique. J'imagine que ça va être absolument génial. Eh bien, c'est certain, c'est certain. Donc, on commence tout en grand, c'est le cas de le dire, et en gros, surtout, avec un hippopotame. Hippopotame. Donc, hippopotame, hein, spécial par rapport à l'hippopotame, lui, il n'a pas de glande sudoripare, lui qui passe ses journées tendues dans l'eau, au soleil. Mais pauvre lui, donc, ne transpire pas. Hein? Donc, aucun moyen de réguler sa température interne. C'est pour ça qu'il passe autant de temps dans l'eau. Sa peau est glabre et sécrète pour se protéger du soleil. Une sorte d'écran solaire naturel, parfois appelé sueur de sang. Mais même si c'est pas de la sueur ni du sang, mais en fait, c'est que quand c'est sécrété, c'est incolore, puis ça vire tranquillement à l'oranger rouge, puis au brun. Au brun, c'est moins, moins un beau. Un peu moins beau, mais voilà. Moins populaire chez les dames hippopofemmes. Hippopofemmes, oui. Ça devrait être des hippopomanes et des hippopofemmes. Ah, tellement. Au moins, on pourrait les distinguer, c'est ça. Quand même. Donc, ça, c'est spécial. Il peut mesurer la moyenne, c'est 3,5 mètres de long, mais ça peut aller jusqu'à 5 mètres, donc quand même très gros. Hein. En passant, c'est le deuxième plus gros animal au monde après terrestre. Là. Terrestre, oui, on s'entend la dans baleine. L'eau, après l'éléphant. L'éléphant qui est le plus gros qu'on a, puis il est connu parce qu'il n'y en a pas d'autre plus gros que lui qu'on n'a jamais vu. Et il peut vivre en liberté de 30 à 40 ans, mais en captivité jusqu'à 50 ans. Donc, ça, c'est le côté le fun. Hein? Donc, on associe l'hippopotame un peu à une sorte de grosse vache aquatique, grosse vache marine, d'autant plus qu'il est végétarien. Ça l'air paresseux. Hein? Fait pas grand-chose. Mais, avez-vous déjà vu un hippopotame bâiller? Oh! Bailler! Non! Ben, quand un hippopotame baille, c'est là qu'on peut voir la grosseur de ses canines qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long. C'est une règle et deux tiers, ça, là? Ben oui, ça peut être une petite télé. Hein, parce qu'avant, on disait que c'était la grosseur d'une télé moyenne, mais maintenant, les télés sont tellement plus grosses. 50 cm. Petite télé, quand même. On est rendu à 50 pouces. Ouais, c'est pas mal la moyenne. Donc, c'est considéré un des animaux les plus dangereux. Il fait partie des tops des animaux les plus dangereux. Je suis allée en consulter plusieurs. Donc, c'est quand même pas le premier, là, évidemment. J'imagine vraiment, genre, chez le psychologue, puis c'est un hippopotame. Je suis allé consulter plein d'hippopotames. Mon dentiste, un hippopotame. Ben oui, avec 50 cm, il y a de l'argent à faire, là. Ouais. Une petite carie. Donc, pourquoi il est dangereux, en fait, c'est que sur la terre ferme, il est capable de charger à 45 km/h. Donc, puis il va se protéger, là. Il est un peu paranoïaque, hein, l'hippopotame. Mmh. Donc, quand il se sent en danger, il fonce sur vous. Il peut tuer jusqu'à 200 personnes par an de cette façon-là. C'est ce qu'on a répertorié comme mort par hippopotame. C'est quand même vite pour une grosse affaire de même. Ça doit être long à partir, mais une fois que c'est parti, c'est plus arrêtable. C'est ça le problème. Le temps qu'il arrête, il faut quasiment qu'il fonce dans un mur. Il est vraiment gentil. T'sais. Il arrive juste pas à arrêter à temps. Oh. Il vient pour vous donner un gros câlin, puis il fait « Oh non! Oh, » Il connaît pas sa force. Il n'y a plus de break. J'allais dire qu'ils font des courses d'hippopotame. Savez-vous où? Ben, à l'hippopodrome. Je l'aime. C'est pas ça de rester à la place. C'est bon. Je vous trouvais un petit peu hypocrite de ne pas me demander. J'aime mieux l'hippopotame. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc, parmi le top des animaux les plus dangereux, vous devez en connaître quelques-uns. Lesquels pensez-vous qu'on retrouve là? Sans nécessairement dire un ordre, juste des animaux dangereux. Un ours? Non. Ça ne fait pas partie des tops des animaux dangereux. Moi aussi, je serais là. Un mammouth. Non, plus. Ça n'existe plus. Ouais. C'est dinosaure. Par contre, il y a l'éléphant, oui. Ah. Et oui, Babar charge pour se défendre aussi. Donc, 600 morts par an par l'éléphant. C'est un peu sous le même principe que l'hippopotame, lui aussi. Il est difficile à arrêter quand il est parti. comment survivre sous ces 1000 kilos? Un peu dur, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a un insecte, genre, avec la malaria, quelque chose exact. Dans ta liste? Exact. Et souvent, dans tous les top animaux dangereux, c'est le premier, c'est le moustique. Voilà. Donc, qui peut tuer, attendez une petite minute, 2 millions de personnes par an, justement, quand parce qu'il transmet des maladies dangereuses. Donc, on retrouve souvent dans ces tops-là, le requin qui est souvent dernier. Parce que le requin, contrairement à ce qu'on pense, va tuer environ 10 personnes par an. Donc, il n'est pas si dangereux. On voit tout le temps passer le fait qu'il y a plus de gens qui tuent des requins que de requins qui tuent des gens dans la vie. Ouais. J'ai vu ça souvent passer. Ça reste ça. Mais en même temps, c'est la même affaire pour le moustique. Hein? Oui. Il y en a beaucoup qui meurent. C'est bon. Beaucoup qui meurent. Hein? Massive murder sur les moustiques. Mousticide dans les choses génocides avec des insectes. Yeah, yeah. Ben, il y a la méduse aussi. Hein? Et la cubo-méduse qui est la plus dangereuse. Mais est dans l'océan Indien, soyez pas inquiets, il n'y en a pas par ici. Le lion, les abeilles, qui sont surtout dangereuses pour les gens allergiques, oui. Le crocodile, vicieux et très rapide, tant dans l'eau que sur terre, va tuer 2000 personnes par an. Le scorpion, qui va tuer 5000 personnes, mais le scorpion est dangereux pour les gens vulnérables et âgés. Donc, un jeune qui se fait piquer par un scorpion, s'il atteint, vous en allez à l'hôpital ou quelque chose, vous avez un antivenin. Ça va. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Fort Boyard version senior. Là. Pour ça, ça peut-être. Pas. Mais j'essaierai pas pour le fun. T'sais, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ils n'ont pas le bungee, ils n'ont pas les insectes, ils n'ont pas les scorpions. Ils ont pas... Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des énigmes, puis même là, ils ne s'en rappellent plus à la fin. Ils ont des gens qui étaient grands, puis qui ont rapetissé un petit peu. Ah, comment? Ah, ben là, facile. Ouais, t'es facile. Donc, c'était le hippopotame. Okay. Ensuite, Hollywood. Oh! Oh! Hein? Et oui, Hollywood. Donc, assez bref, là. Donc, Hollywood, qui est un quartier de la ville de Los Angeles et qui, souvent, par métonymie, on l'associe à l'industrie générale du cinéma. Ouais. On va parler de Hollywood. Plus facile comme ça. Oui, sans nécessairement parler de la ville ou du quartier en tant que tel. Donc, Hollywood, qui a deux surnoms, ça, je savais pas ça. Donc, Starstruck Town, donc pour dire admiration devant ses idoles ou ébloui par les idoles. Ou Tinseltown. Oui, ça oui. Donc, Tinseltown, donc un mot utilisé depuis les années 1960 pour parler de quelque chose qui est showy, là. Quelque chose glamour, qui est, c'est... un peu l'équivalent du douche, là. C'est ça. Bling-bling douche, tu sais. Voilà. Donc, qui implique que Hollywood, ben, ses célébrités, c'est brillant, mais il n'y a rien de vrai. Donc, c'est ce que ça voudrait dire, le Tinseltown. L'image caractéristique de Hollywood, c'est bien sûr la colline située à l'ouest de Los Angeles, le Mont Lee. En fait, le panneau Hollywood, hein, c'est pas la colline, mais plutôt le panneau là, qui est sur la colline, a été érigé en 1923. C'était un panneau publicitaire, en fait, dans ce temps-là, pour des promoteurs immobiliers. Puis alors, c'était Hollywood Land. Mm-hmm. Puis ça a été tranquillement laissé à l'abandon. Donc, a été restauré en 1949 par la Chambre de commerce d'Hollywood qui a enlevé le Land pour laisser seulement Hollywood. Marketing, ben oui. Voilà. Puis, plus tristement, on associe beaucoup cet endroit à des suicides très, très dramatiques. Les gens... l'industrie du film, s'ils veulent faire un grand coup, vont aller là. Voilà. Mmh. Mais on retrouve aussi à Hollywood le fameux Hollywood Boulevard, hein, qui a ouvert ses portes le 12 juillet 1981, sur lequel on retrouve le très fabuleux Walk of Fame. Hein, donc, l'allée des célébrités, si oui, on veut. Oui, l'allée des célébrités. Les étoiles. Avec ben oui. Les étoiles. Donc, voilà pour Hollywood. C'est beau. Oui. Maintenant, du côté de l'éducation, une université très prestigieuse qui commencerait par un H. Harvard. Exactement. Harvard. Donc, Harvard qui est classé ex aequo avec l'université d'Oxford du Royaume-Uni en deuxième place du classement des meilleures universités au monde. En première place, on retrouve la California Institute of Technology, donc la Caltech. Et puis, ce classement-là est fait en fonction de l'enseignement, la qualité de l'enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances et des perspectives internationales des universités. Donc, Harvard qui est quand même en deuxième place. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les droits de scolarité parce que je me disais, un jour, j'aimerais peut-être bien ça, aller faire un cours là-bas, mais pourquoi pas, hein? On commence par le début. On sait bien que tout le monde peut juste demander puis y aller. T'sais. Ben oui. Ben, tu peux quand même... ouais, ben, c'est comme le reste. Facilement, aller faire un cours. T'sais, faire un programme, c'est plus dur, mais faire un cours, oui. En tout cas. Voilà. Donc, les droits de scolarité, pour quelqu'un qui est là à temps plein, évidemment, atteignent 41 000 $ en moyenne. Par année, là, pas par session. Par contre, Harvard a un programme d'aide très généreux pour les moins nantis qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on pense, quand tu vas à Harvard, tu ne ressors pas de là avec une maison en dette. Là, parce qu'ils ont vraiment un très bon programme là, pour aider, programme d'aide financière. Donc, si tes revenus familiaux sont de moins de 65 000 par année, tu es accepté là et tu n'as pas à payer de frais de scolarité. Ah. Oh. Mais il faut que tu passes des tests et que tu sois bon. Évidemment, oui. Pour rentrer là, il faut être bon. Puis, ils vont donner aussi de l'aide à ta famille si tu as moins que 80 000. Donc, tu vas recevoir des bourses, aucun prêt. Donc, c'est instauré depuis 2004, ce qui fait que les étudiants moins nantis font 30 % de la communauté étudiante de Harvard. Donc, c'est quand même très bien. Donc, c'est aucunement lié aux résultats scolaires ou sportifs. C'est vraiment en fonction de tes revenus. Donc, 60 % des étudiants bénéficient d'une forme d'aide ou d'une autre, là, pas nécessairement pour les moins bien nantis. Deux tiers des étudiants de Harvard diplôment en 4 ans. Donc, quand même, ça, c'est donc, un c'est bon juste score. Quoi, 160 000 $ Mettons, ça fait 40 000 fois 4 ans. Mettons. Juste. C'est ça que tu avais dit, 40 000. Wow. Ben oui, mais ouais. si t'es moins bien nanti et que t'as aucun frais à payer. C'est ça. Voilà, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont là puis qui ont bien de l'argent, là, donc ça, c'est autre chose. Puis, en moyenne, en 2011, les finissants avaient une dette de 11 000 $ deux fois moindre que partout ailleurs aux États-Unis. Donc, c'est quand même très bon. Et Harvard compte beaucoup sur l'appui des parents. Pour le citer, hein, parce que je suis allée voir sur leur site, « Nous croyons fortement que vos parents ont l'obligation de vous aider à financer vos études universitaires. » Donc, ouais, voilà. Alors, c'était ça pour Harvard. Dans le Massachusetts, soit dit en passant. C'est vrai, un état qu'on mentionne moins souvent, mais pour l'école, c'est bon. Oui. Parce qu'en tant que tel, le nom Massachusetts, on n'entend jamais ça. C'est rare. Boston. T'es nu-pied ou... Massachusetts. T'as-tu vu comment j'étais pas convaincu? Là, non, ça faisait encore très Jean-Philippe Charbonneau comme blague, oui. Mais bon... On se croirait lundi-mardi encore. On se croirait. C'est incroyable. Tous les jours sont des lundis-mardis. Je préfère l'hippopotame. L'hippopotame. Ah, merci, c'est flatteur. Je vais me reprendre. OK, parfait. Oh, oui, je suis pas inquiète. Puis, avant d'aller en musique, je vais vous parler de hockey. Le hockey. OK, le hockey. Le hockey. Ce que j'ai tous les midis parce que je mange trop vite. Ou trop longtemps. Ah, ouais. Donc, le hockey, il y a trois types de hockey. Hein? Le bénin, celui qui est le plus fréquent. Le persistant, qui peut durer jusqu'à 48 heures et qui revient souvent. 48 heures! Oh, mon Dieu! Et le pire, c'est le réfractaire, qui peut durer des mois, voire des années. Ah! Je voudrais jamais vivre ça. Assez intense. Le hockey affecte plus souvent l'homme que la femme et peut durer de quelques secondes à quelques minutes. C'est bizarre, ça, que ça affecte plus les hommes que les femmes. Je n'ai pas trouvé la raison. Mais bizarre. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs causes. Soit on mange trop ou trop vite, ou on mange en buvant de l'eau de l'eau gazeuse ou de la liqueur. Oui, ça arrive, ça. Ou juste boire de la liqueur. Ouais. Pour aussi quand on avale de l'air en mangeant. Alors, ça veut pas dire quelqu'un qui parle trop, parce que moi, j'aurais la hoquette tout le temps. Mais il y a des gens qui parlent, vous savez, il y a des gens qui parlent puis qui inspirent en parlant. Oui. On entend tout le temps le... Ben ça, si ces gens-là parlent en plus qu'ils mangent, ben là, c'est à peu près sûr qu'ils vont avoir le hockey. Donc, la cause, c'est le diaphragme. Donc, l'estomac s'agite trop, le diaphragme reçoit des coups. Donc, il y a des contractions spasmodiques, contrairement à d'habitude où il va se contracter à un rythme, au rythme de la respiration. Puis, ben là, ça va créer de la fermeture brutale de la glotte qui freine l'arrivée d'air et c'est ce qui va créer le hic. Non. Hein? Donc, le son caractéristique. La crise de hockey la plus longue de tous les temps, selon le livre des records Guinness, a duré 68 ans. Oh. Aïe, aïe, aïe. Peu importe la fréquence, que ce soit une fois par heure ou une fois par minute, c'est terrible. C'est terrible. Juste terrible. Entendre 68 quelqu'un, ans, Mathieu. Oh, mon Dieu. Juste Véronique. Entendre la personne... Hein, que... Stéphanie. Stéphanie. Entendre une personne qui a la hockey, on dirait que ça fait mal. Ouais. Parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, là, depuis primaire, secondaire, je pense. Puis je me rappelle du feeling là, de... Oh, on dirait que t'es... En tout cas, ça hein? Donc, maintenant, comment faire pour plus avoir le hockey? Donc, il existe plein de trucs. J'en ai répertorié quelques-uns. Donc, en fait, on a trouvé le centre du hockey que, bon, ce serait des nerfs qui seraient stimulés là, par le hockey situé entre la troisième et la cinquième vertèbre cervicale. Ça ne veut pas dire que si vous avez le hockey, vous pouvez aller chez Kiro. OK, non, vous allez chez Kiro. Vous allez chez Kiro, il va vous peser là, puis vous aurez fini. Plus le hockey. Étonnamment, ce spot-là, hein, dans votre dos, est lié à votre palais. Donc, il faudrait stimuler le palais, mais les trucs ne fonctionnent pas pour tout le monde. Hein. Donc, pour stimuler le palais, soit on boit de l'eau froide, la tête à l'envers, on peut têter des glaçons. Ou parce que je voulais pas dire autre chose. Ou se gargariser avec de l'eau froide. On peut aussi tirer notre langue le plus loin possible. Ou encore provoquer un éternuement en respirant du poivre. Donc ça va stimuler le palais. Oui. Ouais? Hein? Le poivre, c'est plus simple. À essayer dans ton cas, Mathieu, si t'en as souvent. Ensuite de ça, vous pouvez couper l'arrivée de dioxyde de carbone parce qu'il faut, augmenter l'arrivée de dioxyde de carbone, parce que c'est le fait que c'est coupé parce qu'on respire plus vite qui provoque le hoquet. Donc, respirer plus longuement ou même dans un sac brun, puis expirer par saccade. Mais il faut pas respirer plus vite. Il faut respirer plus longtemps. Pour comprimer le diaphragme, on peut se coucher sur le lit ou au sol. On remonte nos jambes sur notre ventre, puis on se penche vers l'avant. Fait que ça comprime le ventre. Aussi, un bon truc pour les pets. Hein, on a appris dans une chronique récente. C'est juste lever ta jambe gauche quand tu couches sur le dos, puis le pet va sortir tout de suite. Ah, pour le faire sortir, pas pour l'empêcher de sortir. Non, c'est pour le faire rentrer. Ça, ça s'appelle un défi, ça. Là, t'allumes un lighter, puis c'est ça. Exact. Ensuite, un truc que j'essayerais même pas, c'est stimuler sa luette. Donc, soulever la luette à l'aide d'une cuillère de son doigt pour provoquer une contraction du diaphragme. Là. Puis là, ça fait comme le gag. Je sais pas, ouais. Puis, ça pourrait stopper. Ou déposer un cube de glace sur la pomme d'Adam parce que ça provoque le fait d'avaler. Là. Okay, donc, de faire ça. Puis, ça pourrait stopper. On dirait que j'ai pas envie de jouer dans cette zone-là. Non, c'est dangereux. Hein? Ouais. Ou, on peut jouer du côté des émotions, là, faire sursauter la personne. Faire le saut, ça a déjà marché avec une de mes amies qui avait le hockey. J'ai dit « Hey, super fort! » en plein milieu de nulle part. Puis, vraiment, pouc, ça a tout arrêté ça là. Ou, on demande à la personne « Arrête-moi ça tout de suite! » Tout de suite! Là, vous ayez l'air vraiment méchant. Parce que sinon, ça marche pas. Donc, il faut faire attention. Si c'est persistant, ça peut être un signe d'atteinte métabolique comme le diabète, insuffisance rénale, l'infection pulmonaire ou cérébrale. Hein? Donc, vous pouvez devenir débile. Non, c'est pas vrai. Maladie de Parkinson, accident vasculaire cérébraux ou d'infection moins grave, juste des reflux gastriques. Donc, si vous en avez trop longtemps, trop souvent, il faudrait aller voir un médecin. Ben oui. Donc, voilà. Ouais! Ouais! Enquête! Ça a failli. Voilà, donc on fait une deuxième partie tantôt de cette deuxième partie. Donc la deuxième de 2, de 2, de 2, de 4, de 2. La 3 de 4, de 2, de 4, de 3. Donc avant ça, on va entendre Jimmy Hunt. Il commence par H. Ouais. Hein, Jimmy Hunt. On écoute, tu sais, je vais essayer de trouver une pièce qui fit plus avec ta chronique que tu viens de nous faire là. Tant peu, j'ai... Ouh, qu'il n'y a pas grand-chose qui a rapport. Y a-t-il des éléphants dans son album? Parce qu'il y a des éléphants. Il y a des éléphants dessus? Non, il n'y a pas ça. je sais pas. J'ai envie d'entendre, tiens, antilope. Un autre animal, tu sais. On n'a pas d'éléphant? On va écouter ça? Ok, Mathieu. Ok. Ok. Ok, ouais. Je suis pas bon pour imiter un hockey. Pour de vrai, j'ai essayé de la plugger tout le long de la chronique. Ok. Au lieu de hockey. Tu mets tes efforts aux mauvaises places. Je peux changer. Stéphane. Je suis une pieuvre. C'était Jimmy Hunt et la pièce Antilope à Assemblage Rocky. On est toujours avec Véronique Mire et son Véronique Sionnaire. Ouais. On est dans la lettre H, la deuxième partie de la deuxième chronique sur la lettre H. Oui. Et la dernière. Ben oui. Oui. On finit en beauté. Oui, c'est sûr. Donc, je poursuis avec le hibou. Hibou, comme hibou sous genou, hein? Oui. Hibou, chou, genou, caillou, bijou. Bon. Donc, hibou, donc terme très général, hein, on va dire, on en voit un dans le bois, là, où on voit, en fait, c'est pas un hibou. Un hibou, ça va être un animal de la famille des strigidés. On va dire, hey, as-tu vu le hibou? Mais il y a des hiboux, des chouettes, des ducs, des grands ducs, des kitoupas, des petits ducs. Donc, ils ont des noms. Hein, le roi, la femme et son petit prince. qui sont venus cogner, je sais pas quoi. Bon. Donc, et vous avez le hibou et la chouette qu'on peut distinguer par les petites aigrettes. Et si vous avez vu des photos de hibou sur Google, quand on voit ça, les aigrettes, on dirait des oreilles. On va penser qu'ils ont des oreilles. C'est des petites touffes de poils qui sont sur le dessus de la tête. Okay. Puis ça forme des oreilles, mais c'est pas des oreilles. Ça n'a rien à voir. Hmm. Des fois, c'est aussi parce qu'ils font des jokes, puis ils sont pas bonnes. Puis des fois, ils regrettent. On va y arriver. Du côté des superstitions ou du symbolisme, les hiboux pour les Romains, bon, quand il y avait un hibou qui criait, ça voulait dire qu'il y avait une mort prochaine. Ou c'était également associé à la sorcellerie et à la magie noire, donc du côté des Romains. En Amérique du Nord, plutôt du côté des Amérindiens, bon, le hibou est plutôt positif. Il a le pouvoir de donner de l'aide et de la protection la nuit. Les plumes de hibou sont utilisées, bon, ou de duc, de grand duc ou petit duc, là, sont utilisées dans les cérémonies rituelles et ça symbolise l'intelligence et la réflexion. Du côté de la Chine antique, le hibou a un rôle important. C'est un terrible, un animal terrible qui était censé dévorer sa mère. Et symboliserait le yang, bon, le yang, côté dur qui manifeste sa force accumulée en activité constante, le masculin. Mmh. Le yang, le yin, qui est le féminin, mais qui n'est pas nécessairement tout doux. Hein? Et le hibou... Non. peut provoquer la sécheresse et les enfants nés le jour du hibou ou au solstice auraient un caractère violent. Bon. Ah, OK. Hey, je suis né dans un solstice. Tu sais ça? Stéphanie, toi, t'es né le 21 décembre? Non, en fait, c'est JP. Qui t'a dit ça, qui était né? Oui. Okay, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas te dire quoi faire. Je ne vais pas te dire quand célébrer ta fête, Steph, mais bon. Quand même. Puis avant de faire mon petit vocabulaire, en bref, ça, j'ai toujours bien du plaisir à ça. Dernier gros thème de la lettre H, le hamburger. Ah. Fallait que je parle de hamburger. Donc, j'ai trouvé mes informations sur le site What's Cooking America. What's Cooking America.net. Donc, comme son nom l'indique, le hamburger est né à Hambourg, en Allemagne. Le hamburger en tant que tel, là, la boulette de... Le hambourgeois, comme on l'appelle. C'est ça. Au 19e siècle. Parce que en Allemagne, on a l'habitude de nommer des spécialités culinaires après la ville, leur ville d'origine, comme le Berliner. C'est un beignet fourré de confiture qui vient de Berlin. Le Frankfurter, qui est un hot dog de Frankfurt. Bon, le porc. De Francfort sur le Main. Et vous avez aussi le Bremer de la ville ou du grand port allemand de Brême. Désigne aussi le Fishburger ou le McPoisson. Le très populaire filet de poisson. Oui, hein? Donc, par contre, les premières traces d'hamburger datent du 12e siècle, dans la grande époque de Genghis Khan. Mm-hmm. Donc, on se souvient, l'empereur de tous les empereurs qui avait décidé de conquérir le monde avec son armée de féroces cavaliers mongols. Mais c'est vrai dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, ils chevauchaient des petits poneys robustes. Hein. C'est ça qui fait qu'on a toujours une image comique des cavaliers mongols, parce que il était vraiment fort puis vraiment terrible, mais il chevauchait des petits poneys robustes. Mais c'était les chevaux les plus forts, les plus résistants, les plus robustes. Donc, il pouvait rester en selle très longtemps, parfois même plusieurs jours d'affilée, sans s'arrêter pour faire un feu et manger. Donc, il transportait des boulettes de bœuf haché, ben pas de bœuf, en fait, c'est du mouton ou de l'agneau, sous leur selle pour attendrir la viande, puis ils pouvaient la manger facilement sur la route. Quand on disait qu'il fallait qu'il fesse la viande, là, c'était littéralement, il fallait qu'il fesse la viande. Oh. Oui. À base d'un petit marteau, c'était devant tes fesses. Mathieu. Oui, oui, oui. C'était fait. Et puis, c'est le petit-fils de Genghis Khan, donc Kubilai Khan, qui a envahi Moscou un peu plus tard, dans les années 1230, que lui, bon, là, les Russes ont décidé de prendre cette boulette-là, de l'appeler le steak tartare, le tartare qui était le nom désignant tous les Mongols. Et puis là, ben ensuite, c'est petit à petit venu vers l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui se l'est approprié. Et les Allemands sont venus en Amérique par une compagnie de bateaux appelée la ligne maritime APAG. Et puis, le truc le plus facile à garder à bord d'un bateau, c'était la galette là, de bœuf haché qui était faite de viande salée mélangée avec des oignons, de la chapelure et parfois fumée pour se conserver plus longtemps. Encore attendu par les fesses. Là. Ben encore, non. Non, OK. Rendu là, c'était fini. Je pensais que c'était encore ça la recette chez Tim Hortons. C'était de la viande salée. C'est ça. Salé. Merci, oui. Steph. L'accent gaspésien de Steph. Ah, hein? On a reconnu ça. Salé. Donc, l'hamburger traverse l'Atlantique avec les immigrants. Puis sur les ports new-yorkais, il y avait des stands de viande avec de marins allemands qui vendaient les boulettes. Le saga, c'était steak cuit dans le style de Hambourg. Donc, pour attirer, évidemment, les Allemands à venir manger là. Avec son coulis de sauce brune. Et condiments. Et condiments. Puis, on ne sait pas qui exactement a eu l'idée de mettre ça entre deux tranches de pain, mais bon, ça a rendu la consommation plus facile et moins salissante, surtout. Dans les années 1930, la bande dessinée Popeye, il y a eu un personnage appelé Wimpy, qui aimait beaucoup les hamburgers, qui avait son stand. Oui. Et puis, il y a un homme aux États-Unis qui trouvait que c'était le fun comme idée, fait qu'il a décidé de partir ça, les Wimpy Burger. Mais il est mort en 1978. Lui, il avait bien dit que s'il mourait, tout fermé. Donc, les 1500 restaurants de la chaîne ont tous fermé quand il est décédé. Dans les années 1948, grand restaurant, chaîne de restaurants, burger... très connu, commercial. Mettons McDonald's. Mettons. Si on a parié. Donc, c'est les frères Maurice et Richard McDonald qui ont eu l'idée de partir un self-service de hamburger en Californie. Puis là, il y a un placier en hachoir électrique, parce que tout ça dans ces années-là que ça a popé, toutes ces inventions-là. Ray Kroc qui a vu ça et qui dit « Voyons, il y a donc une grosse commande de viande qui s'en va en Californie. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. » Puis il a vu ce stand-là, il a trouvé ça génial, donc il a décidé d'acheter des franchises et puis c'est là que les McDonald's sont partis. Donc, selon la propagande en Corée du Nord, Kim Jong-2 aurait inventé le hamburger dans les années 2000. Ben oui! Dans les années 2000. Un humoriste, ce gars-là. Oui, oui, vraiment. Quand même. Puis, le plus gros mangeur d'hamburger record mondial, 69 hamburgers en 8 minutes par Takeru Kobayashi. Ben oui, Kobayashi. Un Américain. Le paradis. Le paradis de manger des hamburgers. Ah oui. Stéphane, oui. T'aimes ça. Puis le deuxième, en fait, c'est la deuxième de ce concours. C'est une Américaine, Sonia Thomas, qui a mangé 46 hamburgers. Miam! Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, j'ai fait des petites recherches pour trouver des hamburgers spéciaux aux États-Unis. C'est épouvantable. Épouvantable. Vous irez voir ça. C'est le Denny's Beer Barrel Pub. Donc, au Denny's Beer Barrel Pub, on vous propose un pub challenger. C'est un burger de 2 livres. Si vous le mangez en moins d'une heure, vous gagnez un T-shirt, un rabais de 50% sur votre facture et votre visage sur le Hall of Fame de tous ceux qui ont réussi à le manger. Très américain. Oui, tellement. Ouais. Ensuite, vous avez le Pub Super Challenger de 3 livres. Vous avez une heure et demie pour le manger, même principe. Vous avez 50%, etc. Le Ye Old 96er, donc un burger de 6 livres. Vous avez 3 heures pour le manger, mais il faut c'est donner bien. 24 heures d'avis ben pour oui. le faire faire, parce que quand même 6 livres... Faut mettre un architecte là-dessus, puis son équipe au complet de construction. Oui, oui, oui. Puis là, vous embarquez dans les défis pour deux. Vous avez le Beer Barrel Belly Buster, hein, parce que si vous le mangez, vous le pétez là. Mais ça, c'est un défi pour deux, donc un burger de 15 livres. Le Beer Barrel Burgernator de 25 livres. Là, il faut donner 72 heures d'avis, et etc. Là, commande à l'usine. Donc, quand même, c'est quelque chose. Mais c'est surtout pour l'image là, que ça donne, ben oui. hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui vont faire ça. C'est cool. C'est très impressionnant. Le plus gros, là, c'est le Beer Barrel Main Event de 125 livres, mais en fait, c'est pas pour manger, ça, c'est pour... Pour vivre dedans. Un bain burger! En fait, c'est pour les graduations, puis tout ça, vous commandez ça, puis tout le monde en prend un bout. Mais ben parce qu'on sait que ça reste très longtemps, ben ça oui, reste chaud. Ben oui. Finalement, tu te ramasses avec un gros bout de bœuf haché. C'est dégueulasse. Comme rien dessus. Donc, pour terminer le H, vocabulaire en bref, j'ai 5 petits mots pour vous. Donc, d'abord, le habeas corpus. Oui, ça commence par H, je m'en étais pas rendu compte. Habeas corpus, c'est du latin, j'imagine? Oui, exact. Qui veut dire que tu es ton corps? Donc, c'est l'institution anglo-saxonne qui, depuis 1679, garantit la liberté individuelle et protège contre les arrestations arbitraires. Ah. Ensuite, un homodonte. Commence par H aussi. Homodonte. Homodonte ne veut pas toujours dire gay. Non, hein? C'est ça. Il veut pas s'assumer, il veut pas s'avouer, il a honte, non? Non. Non. Un homodonte, c'est en zoologie. Ça se dit de la denture des vertébrés quand toutes les dents ont la même forme et la même taille, comme les crocodiles et les dauphins. Wow! Hein? Mm-hmm. Intéressant. Oui. Ensuite, wash. Depuis quand ça commence par H? O-U-A-C-H-E, c'est le sillage d'un navire en marche. Ah. Donc, la petite vague là, qu'on voit derrière un navire, ça s'appelle un wash. Un wash. Un ourvari. H-O-U-R-V-A-R-I. OK, non, je ne sais pas si c'est pas un quiz télévisé avec Guy Mongrain, c'est quelque chose. Ça ressemble. Chari-bari. Oui, moi, je m'en allais avec un vari-bari. Vari-bari. C'est le nouveau PFK. Au PFK. Ourvari, donc our qui est un cri pour exciter les chiens, et charivari, vacarme, grand tumulte, ça a deux sens. Donc, soit vacarme, tapage, ambiance très tumultueuse, ou encore une ruse qu'emploie un gibier particulièrement perspicace hein, quand il revient sur ses voies, sur ses traces pour tromper les chiens. Mmh. Et finalement, qu'est-ce que c'est un hurdler? H-U-R-D-L-E-R. Hurdler. Ça, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais je m'en rappelle pas. Hurdler, non, je sais pas. Moi non plus. C'est le mot, ça vient d'un mot anglais, hurdle, c'est haie. Donc, c'est des athlètes spécialisés dans les courses de haie. Ça, par-dessus des petits obstacles. C'est ça. Ah ben. Exactement. Donc, voilà. Première partie de la lettre H. Moi, je cherchais à Montréal, il y a un restaurant. Puis là, ça faisait vraiment longtemps que je suis pas allé. C'est le Elsasium, où tu peux manger le monstre. Puis là, j'ai sorti une photo. Là. C'est un peu le même principe. C'est un gros burger avec un pain de seigle. Oui, comme une toast, non pas comme un pain à burger. Oui, exact. Et puis, si tu le finis au complet, mais dans le fond, c'est gratuit. Ah. C'est-tu gratuit? Ou non, t'as un T-shirt. Excuse-moi, tu le payes, mais c'est un T-shirt. Et t'as des frites à côté. Là, si oui, il faut que tu finisses tout au complet. C'est le burger et les frites. Seul, faut le manger seul. Oui. Mais avant de terminer, je voulais justement vous demander, vous, c'est où y est votre hamburger préféré? Oh. C'est quel votre hamburger préféré? Hey, dans un restaurant, pas à la maison. Ouais, parce que là, j'allais dire peut-être à la maison. Sûrement, Stéphanie est tout le temps en train de se faire des burgers à la maison. Moi, je dirais que mon préféré dans les fast-foods, ça doit être le IW. OK. Ah, oh, avec la bonne root beer. Vraiment, et les rondelles d'oignon avec du miel. Oui, tellement. Mm. Ouais. Ah, moi, je suis pris de court. J'hésite entre deux, en fait. Okay. Parce que t'as deux styles. Tu sais, t'as les burgers normaux. Oui. Mettons McDonald's, IW et tout. Puis t'as les restaurants, mettons un peu, mettons comme le Gambrinus qui va te. Peut-être une coche au-dessus, tu sais, avec des champignons, fromage. Ah, OK, je change mon vote pour le Gambrinus. OK. Dur à dire. Oui, là, je suis un peu mal pris, là. Moi, je suis particulièrement très fan du Big Mac. Ben oui, le classique Big Mac. Un cornichon. Mais je remplace la sauce par de la mayo. Oh, bien. J'aime mieux ça. Okay. Avez-vous entendu dire que le Harvey's est de retour à Trois-Rivières au mois de mai ou juin? Oui. Oh, ça va être de retour. C'est vrai. Oui, ouais. J'ai Mais dans l'ordre d'idée du Gambrinus de tantôt, le fast-food, là. Oui, aussi. Mmh, moi, c'est là que j'ai découvert les burgers champignons, fromage à la crème, oignon rouge. D'ailleurs, je salue ma maman, hein, parce que maintenant, tous nos hamburgers... Ma mère est un oignon. Oui, merci, Véronique. Ça me fait plaisir. On se retrouve avec donc la lettre G. Dans deux semaines? Oui. On va être rendu là. GH, c'est bien ça dans l'ordre. Donc, la lettre G dans le Véronique Sionnaire, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! Ben, faut donner de la viande à ceux qui nous copient et qui nous parodient parce que ils en mettent, eux autres, ils en mettent. Fait qu'il faut que j'en mette un peu, pas de moi pire, aussi. Pire en pire. Non, non, au pire, au contraire. Moi, je suis de plus en plus relax. Au début, quand j'animais avec Jean, avec Charles-André Lambert, on était encore beaucoup plus expressif, disons. Donc, bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous entrez dans une bière de la semaine, eh bien, c'est là, c'est le moment tant attendu par les animateurs. Ben oui. Donc, on déguste une bière qui nous est offerte par La Barrique. Et aujourd'hui, exceptionnellement, une première à l'émission. Eh bien, c'est pas une bière d'une microbrasserie québécoise. Ben non. On déguste aujourd'hui une Samuel Adams, une Boston Lager. Donc, une bière qui nous vient directement de Boston. Une microbrasserie de Boston? Ben, ça a l'air que c'est immense. C'est une des meilleures microbrasseries, mais qui est rendue très, très grosse aux États-Unis. Et semble-t-il, c'est un partenariat, si j'ai bien compris, si je me rappelle, avec Saint-Ambroise, qui est à Montréal. Ah, qui distribue les... Ouais, exact. C'est sous leur licence. Il n'est pas inscrit, mais c'est sous leur licence, je crois, qu'ils peuvent être distribués. Ah, OK. Et puis, semble-t-il que si ça fonctionne, parce qu'eux, ils ont une lager, dans le fond, c'est comme un peu comme une bud, là. C'est une bière quand même blonde et très, très facile. Eh bien, ils ont aussi des bières de saison un petit peu plus épicées. Et semble-t-il, c'est des bières qui sont vraiment appréciées dans le monde de la bière. Justement, je viens de le dire, c'est une lager. On n'en boit pas souvent ici à l'émission des lagers. Pour ceux qui connaissent pas assez ça, et même pour moi, parce que c'est pas mon type de bière, eh bien, je vous envoie une petite description de la lager sur Wikipédia. Le mot lager est un terme générique qui désigne des bières à fermentation basse. On distingue les lagers en fonction de leur robe. Fait que là, on apprend, là. Les pale lager, bien sûr qui sont pâles, les lagers ambrés et les lagers brunes. Celle-là, ça doit être une pale lager. La fraîcheur requise par le procédé de fermentation basse a l'avantage de protéger la bière contre les bactéries et les champignons. Les lagers ont une durée de conservation supérieure à celle des bières produites par fermentation haute. En revanche, les levures basses produisent moins d'alcool que les hautes. Ça, c'est à 4,8% d'alcool, cette bière-là, justement. T'as un peu... car leur action est ralentie par l'alcool qu'elles produisent. Brassées en Bavière depuis le début du 15e siècle grâce aux conditions de fraîcheur favorables des contreforts des Alpes bavaroises, hein, ça le dit, ces bières prennent leur essor au 19e siècle grâce aux travaux du brasseur munichois Gabriel Sedmer et de son ami l'Autrichien Anna. Là, ça continue. C'est peut-être ce dernier qui produit en 1841 la toute première lager de type moderne, c'est-à-dire une variété de lager, la première bière blonde à robe claire, la pale lager, claire et limpide, qui va devenir le style de bière le plus répandu au monde. Le terme pils ou pilsner apparaîtra pour désigner spécifiquement des pales lager brassée en République tchèque ou en Allemagne sous le nom de Pilsner ou Pilsener. Un peu plus tard, l'extension de la réfrigération artificielle permettra de recourir à la fermentation basse tout au long de l'année et c'est en 1873 que Carl von Lindel fait installer son premier système dans la brasserie de Gabriel Sedmer, la brasserie Spaten à Munich. Donc le terme lager vient du mot lagen qui s'appelle stocker, qui veut dire stocker en allemand la fermentation basse. Ça veut dire qu'on peut la garder très très longtemps. Finalement, assez fini, jaser. Là, on va aller boire. Hein? Et on va baisser notre trame. OK. Et on va ouvrir ça. Je vais te prêter. Stéréo. On ouvre ça. Elle s'ouvre-tu, tu penses? Elle se dévisse-tu? Ah, je sais pas. Peut-être. On sait jamais. Tu vas t'arracher les mains. Je vais te pitcher ça après. OK. Chante pas trop. Ah, je l'ai eu. Tu l'as eu, t'es un homme fort. Mais elle n'est pas Twist Cap ou oui? Ben, je sais pas. Elle tourne. Elle tourne. Je pense qu'elle l'est pas, gars. Je te donne ça. Il est là, là. OK. Yes, sir. Donc, ça sent la bière, c'est le cas de le dire. Mais tu sais, on se rappelle justement que la lager, c'est, on ne veut pas faire de promo, là, mais tu sais, c'est comme une Budweiser, comme une bière plus commerciale qu'on est habitué de boire. Ben, comme tu disais, c'est l'important, c'est qu'ils peuvent la stocker longtemps. C'est le principe. Là. Fait que quand t'en produis beaucoup... En quantité industrielle. C'est aussi bien qu'elle dure une coupe de mois. De pas à perdre, hein, c'est exactement ça. Donc, ben, on se la verse et puis on la goûte. On va la regarder aussi. Un petit peu orangé, je trouve. Oui, pour une lager, d'habitude, qui est, mettons, blonde, là, il y a un petit côté un peu plus orangé, moins juste blonde. Une blonde qui a des qui tire un peu sur le roux. Oui, puis une mousse qui a de l'air à tenir, comparativement à d'autres. Elle sent très, très bonne. Oui. Très rafraîchissante. Mais, et là, c'est ça qui est le fun, en plus, c'est que je m'en vais dans un... Toi, t'aimes les lagers? Un mot qui veut tout dire, hein? Moi, je connais moins les lagers, donc ça va être une belle expérience. On se remonte la trame et on déguste. D'accord. Ah ben attends, au goût, on l'a vu, hyper limpide, une belle mousse. Au nez, ben c'est... Ça me fait penser à des IPA qu'on a bu, certaines IPA qu'on a bu. Un petit peu moins présent les fruits. Là, ouais, un peu moins de fruits, mais quand même. Ouais. Il est là, pareil. Il y a une petite amertume quand même qui semble bien rafraîchissante. Donc, on va aller déguster ça. À la tienne. À la tienne. Ça se boit comme de l'eau. C'est une lager. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ben, c'est ce que je dis. Bière... Moi, personnellement, je sens la petite amertume quand même. Absolument. Moins fruité, ce que tu disais est très, très clair. Quand même là, par exemple. Ben... Mais moins pareil, moins présent. Difficile de définir les fruits. Oui, exact. Moi, je sens beaucoup, justement, un gros mariage de houblon et de malt. Là. Ça, c'est... Un petit peu de grillé, là, un petit peu de petit caramel, mais il est léger comparativement. C'est pas de la noire. Hein? Non, c'est ça, puis c'est loin. Là. C'est très, très doux. Une bière facile à boire, ça c'est première chose que je dis, c'est ce que j'ai dit tantôt, ça se boit comme de l'eau. Parfait pour le printemps ça. Parfait pour un petit après-midi sans la scraper, tu sais. Ah. Juste pour se pimper un peu sans se scraper complètement la face. On s'apporte une caisse de ça, on s'en va à la cabane à sucre. Ah, c'est sûr, c'est clair, ça marche. On va parler un petit peu de la microbrasserie, finalement, la Samuel Adams. L'historique, eh bien, les bières Samuel Adams existent à ses débuts que sous la forme d'une lager. La Samuel Adams Boston Lager, exactement, c'est celle qu'on goûte là. Ses origines remontent à 1860, lorsque Louis Koch met au point sa recette à Saint-Louis dans le Missouri. La Louis Koch Lager est vendue sous ce nom jusqu'à la Prohibition et à nouveau jusqu'au début des années 50. En 1985, Jim Koch, l'arrière-petit-fils de Louis, décide de reformuler la recette avec l'aide de Joseph Owade, l'inventeur de la bière légère dans les années 70. Et en avril de cette année-là, il relance la bière sous la marque Samuel Adams le jour de la première bataille de la Révolution américaine, le Patriots' Day. Trois mois plus tard, la bière obtient le premier prix au Great American Beer Festival parmi 93 bières régionales et nationales. La publicité qui en découle fait grimper la demande et bientôt la Boston Beer Company passe du statut de microbrasserie avec 500 fûts. Sa production à la fin de l'année 85 à celui de la plus grosse brasserie de bière artisanale. Aïe, aïe. OK. Ils ont 36 000 fûts par année qui sortent quand même. À partir de 98, l'année où la société établit sa propre brasserie à Boston. Aujourd'hui, la bière Samuel Adams est produite dans plusieurs brasseries aux États-Unis. Celle de Boston Beer dans Jamaican Plain à Boston et celle de Pittsburgh Brewing Company et de Stroud Brewing Company en Pennsylvanie. Celle de Blitz Wainwright Brewing Company pour la côte ouest. Donc, ils nous expliquent tout. Partout. Et ah oui, il y en a une qui s'appelle Gambrinus en Allemagne pour la production distribuée en Europe. Donc, c'est partout. Nous, ici, au Canada, à partir de c'est ce qu'on a appris, je crois que c'est avec Saint-Ambroise qu'ils font affaire. Alors, mais c'est... on peut dire, pour faire un mauvais jeu de mots, ils sont sa coche. Ils sont sa coche, c'est clair. Hein? Ils viennent de Louis et Jim Koch. Une belle petite chaleur quand même. Absolument, le goût reste longtemps, plus longtemps que tu sais, c'est pas très présent au départ, mais plus tu l'as, puis même que le fruit sort un petit peu, je trouve. Et le pain, le pain. Ah, Moi, j'ai un goût de pain. Pas grillé cette fois-ci, juste de pain, de la mie de pain. Moi, c'est... Tu sais, puis j'ai été un bout là, sans prendre une gorgée le temps que j'ai lu le texte. Et puis, comme tu dis, le goût a persisté. J'ai fait... Ah ben oui, je viens de boire une bière, c'est bon, puis ça goûte encore. Donc, un goût persistant, un équilibre parfait, dans le sens, il n'y a rien à redire de négatif à cette bière. Ça, c'est clair, là. Et c'est le fun parce qu'on semble-t-il, on va en avoir de plus en plus des produits Samuel Adams. Puis, tu sais pas qui la distribue. On n'est pas sûr de qui la distribue. Mais il me semble que c'est Saint-Ambroise. Okay. Il me l'a dit tantôt, le gars de la barrique. Allez à la barrique, il va vous répondre. C'est pas RG, hein? Non, c'est pas RJ. C'est pas RJ et on ne la retrouve... Dans le fond, c'est une bière importée et c'est à cause qu'ils sont avec genre Saint-Ambroise ou... En tout cas, je suis pas mal sûr. Sinon, c'est Brasseur de Montréal ou okay. Saint-Ambroise. Et puis, ce que je veux dire, c'est que d'habitude, les bières importées, c'est automatiquement à la SAC. Ah oui. Eh bien, celle-là ne sera pas à la SAC, va être dans les magasins plus spécialisés. Ouais, la Budweiser, c'est parce qu'elle est brassée ici, ouais. C'est pas considéré comme pas importé. Exactement. C'est parce qu'elle est brassée ici, la Budweiser est brassée dans les brasseries. Toutes les bières américaines, les Michelob de ce monde. C'est presque tout brassé ici, oui. Okay. Exactement. Hein? Particulier quand même. Sinon, mais tu vas la retrouver justement à la SAC. OK. Et même ça, il y a plusieurs lois très étranges par rapport à la bière. C'est comme quand que la Bud Light qui est sortie, tu sais, avec la bouteille, elle est transparente, complètement blanche. Eh bien, ça, je pense qu'elle est brassée, si je me trompe pas, en Europe, quelque chose du genre. Puis pourtant, c'est une Bud Light. Puis c'est juste parce que de l'Europe, t'as le droit d'avoir des bouteilles blanches. Ici, t'as juste... Non, mais c'est ridicule de même. Puis c'est à cause des histoires de recyclage de bouteilles. Il y a juste, je pense, au Canada puis en Amérique, il y a à peu près juste la compagnie de la Corona qui a le droit de faire une bouteille blanche en Amérique. Donc, eux autres, Bud Light voulait absolument une bouteille blanche. Ils l'ont fait faire ailleurs, puis là, à cause que ça vient d'ailleurs. En tout cas, il y a plein de lois vraiment bizarres avec la bière, et ça fait encore partie de ça. Et puis, ben, ça nous donne des bons produits, par contre. Avec les bouteilles vertes, c'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est une autre histoire aussi, pour vrai. Ouais, exact. Mais c'est encore une autre histoire de recyclage et puis de brasserie qui a le droit, d'autres qui n'ont pas le droit. Et celle-là, c'est bizarre, hein? C'est un format un peu plus petit, plus élancé. La bouteille, je trouve qu'elle n'est pas exactement. Elle est plus petite, comme une petite bière américaine, justement. Mais là, on peut-tu la recycler au même titre que les autres? Celle-là, oui, parce que elle a été écrite en français. Ça veut dire que c'est des étiquettes qui ont été faites exactement pour nous. Il dit goût de la fraîcheur de la brasserie à savourer avant la fin du mois en coché, la bière américaine de renommée mondiale, brasseur patriote. Mais des bouteilles, est-ce qu'ils s'en servent ici plusieurs fois quand on les oui, ramène? Oui, oui, oui. Mais si ça tombe dans une caisse d'un autre... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un tri là, qui se passe. Oui, oui. Comme elle, peut-être qu'elle est cassée puis refondue. Là. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'elle embarque dans le beat avec les Molson puis toutes les autres, toutes pareilles, là, tu sais, les petites bières, toutes pareilles. Là. Non, en tout cas. Bon. Fait que c'est ça qui est ça. Si on s'en va juste deux secondes, ici, bon, j'ai pas le goût parce que je pense qu'il y a 4000 cotes sur ratebeer.com. Mon Dieu. C'est hallucinant. Je vais en prendre un, le premier qui vient du Québec parce que c'est qu'il y a vraiment, tu sais, il y a des critiques qui viennent de partout sur la planète. Ah, c'est une oui, bière okay. qui est trop partout. Donc, t'as des critiques en allemand, t'as des critiques en espagnol. Et là-dessus, j'ai essayé d'en trouver un ou deux en français. J'en ai trouvé un à la base. J'ai trouvé quelques-uns du Québec, mais les autres étaient en anglais. Ici, je m'envoie avec Omax. Il dit une pinte d'ambré prise au bar, arôme très subtil de malt et de houblon aux notes d'agrumes. À l'odeur, pas agrumes, mais fruits, on l'a dit tantôt. Ouais, peut-être ça. Pas mettre le doigt sur le fruit, par ouais, contre. On pourrait dire orange, peut-être. Plus l'orange, oui, ouais. Mais pas tant la banane là, ou des trucs du genre qu'on a des fois, là, très, okay. très... C'est plus pêche, apricot. Oui. Ouais. Donc ici, le goût est beaucoup plus intéressant et on trouve... OK, il dit... Lui, il dit c'est des notes de pomme. Il dit on trouve des notes de pomme. Avec une petite amertume bien agréable, une fois la mousse partie, les arômes ressortent et sont beaucoup plus intéressants. J'avoue que moi, elle a descendu un peu, elle est un peu plus chaude, puis je la trouve meilleure. Tantôt, quand j'ai pris ma première gorgée, j'ai fait « OK, c'est ça de l'eau ». C'est ça, j'ai dit « Ça se boit comme de l'eau, ça goûte pas grand-chose ». Ben, surtout avec les bières, des fois qu'on boit. La semaine dernière, là, Michel, j'en avais une de 13%. Il y avait une corne de glace. 13% d'alcool. Bu ça tout seul, toi, j'ai bu ça tout seul. Le reste de l'après-midi, j'avais mal dans la tête un peu. Non, mais vraiment, c'était quelque chose. Fait que là, ça, c'est complètement changeant. Là. 4,8% d'alcool, une petite bière de tous les jours. Mais moi, je dois avouer que les vrais lagers commerciales, je suis pas capable. Moi non plus. Mais vraiment pas capable. Ça, sans problème. Ouais. Ça, ça se boit très, très bien. On a le petit côté microbrasserie. Oui. On le sent. Là. Il y a eu un traitement particulier. Oui, là. Même s'il a été élevé dans 36 000 fûts. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un goût recherché. Il y a un savoir-faire. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, j'ai un ami moi, qui travaille pour Molson. Puis lui, nous entendre, il capote parce que il dit si vous saviez comment il y a du savoir-faire chez Molson, et on peut pas dire que c'est faux. Parce que, tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est une brasserie qui existe depuis 200 ans. Si on parle des bières commerciales ici, moi, la Molson, personnellement, mm-hmm. c'est celle que je j'aime ben, c'est le mieux. Ça. C'est celle que je préfère. Mais, tu sais, que je préfère. Ben, c'est ça. On a des bémols. Parmi les mâles, tu prends le moins pire. Ouais, c'est ça. Parmi un mâle, tu choisis mais le moins si pire. Si je suis dans un bar, puis ils ont juste des bières commerciales, je vais prendre Molson. Mm-hmm. Moi, c'était quelle que je trouvais qui était goûteuse, c'est la 50 qui était bonne. Ouais, mais c'est ça, mais ça n'existe plus. Est rare. Mais il y en a encore, mais c'est rare. Ouais. Mais ça, moi, je trouve que c'est la seule aussi qui était. Ça peut ressembler un peu, là, tu sais. Une 50, ça goûte quelque chose. Moi, je me souviens, dans le temps, je prenais de la O'Keeffe. Oh yeah! Mon père, c'est de la Laurentide, lui, dans le temps. Ça se buvait, c'était de l'eau, ça, je pense. Hein. On prenait des grosses pas. Bières, en fait. La grosse bière. Ouais, des gros formats. Ouf! Sur ce, eh bien, c'était notre bière de la semaine. On a dégusté une Samuel Adams Boston Lager, finalement une des bières les plus populaires de la planète. Moi, ça me fait beaucoup penser à la Jupiler que j'ai bu en Europe aussi, qui est une bière de tous les jours, là, t'sais, la Molson de là-bas. C'est une bière honnête. Oui, mais plus je la goûte, meilleure elle est, je trouve. Ben c'est ça, elle se réchauffe un peu, donc les saveurs. Parce que le froid fait que ça l'annule pas mal tout. Quand la chaleur embarque, c'est pour ça qu'une bière très, très sucrée, quand elle devient chaude, on dirait du sirop, ça devient comme épais puis pas agréable. Celle-là, elle se bonifie avec la chaleur. Hein? D'accord. T'as un beau sourire. Oui, c'est c'est parfait, c'est un beau produit. C'est une belle petite découverte, mais ça me fera pas changer de mes bières québécoises. Ben non, moi non plus, pas du tout. En plus, ben la barrique, je veux dire, c'est à peu près d'un seul bière qui vient pas du Québec qui ont là-bas. Mais j'aurais un party, là, puis je m'achèterais une caisse de ça. Ben c'est ça, en plus, elle est pas très chère, parce que c'est une bière, vu qu'elle est un peu commerciale, ouais. Sur le bord d'être commerciale, un peu comme la Boréale, tu sais, c'est des bières qui sont quand même abordables, là. Ça te défait pas ton budget. Ouais, c'est ça. Parce que si tu t'en vas tout avec des cornes de glace comme j'ai pris l'autre fois à 13%, disons qu'acheter une 24 de ça, ça défait le budget de la semaine un petit peu. J'oserais pas dire le prix, mais c'est ça. Hein? C'est à peu près ça. Sur ce, ben, on remercie encore Xavier de la Barrique. Je te fais un petit chin-chin. Chin-chin. Et puis, on va aller en musique. Tantôt, j'ai inversé les pièces. Ça avait été du pépé sa guitare avec bout de batte. C'était la pièce bout de batte. Et puis, ben là, on va aller avec la pièce que je vous ai préparée pour de... En tout cas, inversé, là, c'est On a créé un monstre, la pièce Charles de Gaulle. Cette fois-là, ça va être la vraie. Désolé pour ceux qui s'attendaient à blablabla. Le prochain train, vélo garage. Il faudra attendre le suivant. Avertissement. De we'll Une dame qui est haïe, donc qui est détestée sur Internet pour sa soupe au chat. C'est en postant des photos d'elle et d'un félin dépecé et cuit qu'elle scandalise les internautes. Mais je vous le dis, vous êtes scandalisés à rien, bande d'internautes peureux. Hein? La personne la plus haïe actuellement par les internautes chinois s'appelle Li Jibang. Son tort, eh bien, cette habitante du canton a posté au début de la semaine sur le web des photos d'elle en train de dépecer un chat pour en faire une soupe complètement ordinaire. Si moi, je mets des photos de moi en train de dépecer un poulet pour faire une soupe, est-ce que les gens vont s'écrier sur la toile et vont dire que ça n'a pas de sens? Non. Alors, il n'y a absolument rien de choquant là-dedans. Ces images ont été mises sur Weibo, l'équivalent chinois de Facebook, et à émoi. Toute la toile en émoi, et la jeune femme a reçu des milliers de messages la traitant d'animal et de méchante personne. Li Jingbang a écrit sur son mur « Hey, regardez, j'ai réussi à attraper un tigre et à le manger. » Des images qui les accompagnent, les images qui accompagnent son texte parlent d'elles-mêmes. On la voit arracher la peau de l'animal et le découper. C'est dégoûtant, ont commenté bien des internautes. Li Jingbang s'est défendu en prétendant avoir rendu service à un ami dont le chat avait été euthanasié après un accident. Et l'ennui, c'est que les images montrant l'animal vivant font penser qu'il s'agissait d'un chat sauvage qui plus est en bonne santé. En principe, ben les poules qu'on mange, j'espère qu'elles sont en bonne santé, sinon on mange des animaux malades. Je sais pas, hein? En principe, il est interdit de manger chiens et chats en Chine depuis 2012, une loi qui n'est toutefois pas appliquée et des millions de ces bêtes se retrouvent dans les casseroles chaque année. Et c'est tant mieux pour tout le monde parce que ça fait de la nourriture! Belle nouvelle, j'adore ça. Et moi, non, au contraire, elle ne me choque pas, mais pas du tout. On va rester dans la nourriture, on va parler ici de cette dame qui a la phobie du fromage. Vous avez compris. Eh bien oui, attention, camembert dangereux. En tout cas, c'est l'avis de Melissa North, une étudiante en Grèce de 22 ans qui souffre de tyrophobie, qui est la peur du fromage. Et les pâtes molles, comme celle du brie, sont celles qui la terrifient le plus. Étonnante, cette phobie peu commune qui lui gâche la vie depuis son enfance. Tout a commencé quand ses parents pensant bien faire, ont voulu faire découvrir ce mets à leur enfant. Le goût était tellement affreux, de plus, j'ai dû terminer mon assiette, alors depuis ce jour-là, j'ai peur, affirme cette habitante de Herne Bay dans le sud du pays. Faire ses courses au supermarché peut se transformer pour la jeune femme en véritable torture. Passer devant le rayon fromage est une épreuve pour moi. Je commence à me sentir tellement mal que je fais une crise de panique, nous assure-t-elle. Pour Mélissa, ce qu'elle ressent à ce moment équivaut à, pour les arachnophobes, à devoir tenir une tarentule dans ses mains. Souvent moquée par ses proches, la jeune femme voudrait être prise au sérieux car selon un spécialiste de l'anxiété, si cette phobie est rare, elle n'en est pas moins réelle. Ben oui! Mais sais-tu quoi? C'est quand même dans ta tête. C'est vrai, c'est réel, mais c'est dans ta tête. C'est ce que la seule chose que je peux dire. Tiens, ici, nouvelle bébelle. Avec ça, ils rentreront partout. C'est par rapport à la criminalité, c'est le dernier instrument des voleurs et des cambrioleurs. C'est le brouilleur d'ondes. Des douanes romandes en ont saisi une dizaine depuis 2013. Les douanes n'ont pas fait que saisir de la drogue et de la nourriture avariée en 2013 lors du bilan annuel du corps des gardes de la garde frontière en Suisse. La semaine dernière, un petit appareil noir est apparu à côté des produits de contrefaçon, ce qui est un brouilleur d'ondes. Une dizaine de ces gadgets a été découvert l'an dernier par les douanes romandes. L'appareil vient compléter la panoplie du parfait voleur et du cambrioleur, s'ajoutant aux traditionnels pieds de biche et tournevis. À peu près de la taille identique à celle d'un téléphone portable, parfois un peu plus grand, il permettrait de brouiller les ondes des téléphones, de couper les communications ou encore, on le dit, de neutraliser les alarmes domotiques. Interdits en Suisse, comme dans la plupart des pays, ils s'achètent sur des sites Internet à partir de 50 francs. Francs suisses, hein, faut le dire. Et ça peut aller jusqu'à 300 francs pour les plus puissants. Selon Le Monde, le journal Le Monde, certains sites chinois promettent même des super brouilleurs à usage militaire sur trépied, capables de perturber les GPS à plus d'un kilomètre à la ronde. OK. L'appareil est-il vraiment efficace pour neutraliser les systèmes d'alarme? Eh bien, les sociétés de sécurité privées que nous avons interrogées assurent que non, mais il peut en tout cas techniquement neutraliser les téléphones. Il existe apparemment d'autres usages. À la tête de l'agence genevoise Python Sécurité, Christian Python en a retrouvé sur des voleurs du pays de l'Est. Ils étaient utilisés pour empêcher que l'alarme ne retentisse à la sortie des magasins. C'est ce qu'explique le commissaire Philippe Gouffon, chef de la circonscription de la sécurité publique. Danmas. Il ajoute que les brouilleurs sont aussi utilisés par des bandes de spécialistes internationaux pour les vols de voitures de luxe, mais les véhicules plus bas de gamme sont également concernés. Des gens croient avoir fermé la voiture avec le verrouillage central et ils retrouvent le coffre vide car les portes ne sont pas fermées à cause du brouilleur. Heureusement, le brouilleur d'ondes ne sont pas encore devenus monnaie courante chez les malfrats. On n'en saisit pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez souvent, révèle Philippe Jaton, porte-parole de la police cantonale vaudoise. En Valais, un seul appareil a été découvert au cours des deux dernières années. L'Office fédéral de la communication rapporte que le nombre d'appareils saisis a augmenté ces dernières années, une centaine en moyenne par an, sauf en 2013, où une seule vingtaine a été enregistrée sans que l'on puisse expliquer pourquoi. C'est ce que note Caroline Sauzère, porte-parole de l'OFCOM. Les personnes retrouvées en possession de ce genre de brouilleur ou de ce genre de machine risquent une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs suisses. Alors, mettez votre main dans votre poche, ça, c'est clair. Ici, un jeune homme, va vivre 12 jours dans un ours. Vous avez bien compris. Vivre dans un ours, l'expérience est troublante de prime abord. Pourtant, c'est celle que va vivre l'artiste Abraham Point-Cheval au cœur du musée de la chasse et de la nature dans l'hôtel Guénégo à Paris. Une réédition moderne et moins risquée de l'histoire biblique de Jonas. Ce n'est pas dans une baleine vivante que l'artiste-performeur Abraham Point-Cheval va vivre pendant 12 jours, mais plutôt dans un ours empaillé. Passionné par les expériences d'enfermement extrême, il entrera dans l'animal le 1er avril prochain et n'en sortira que le 13. L'ours se dressera dans le salon de compagnie à l'hôtel Guénégo, qui, en plein marais, accueille aujourd'hui le musée de la chasse et de la nature. Rien n'a été laissé au hasard pour préparer cet enfermement dans les entrailles d'un ours de 115 kilos. Abraham Point-Cheval aura ainsi apporté de main des ustensiles nécessaires aux fonctions vitales, donc nutrition et excrétion. Vous avez bien compris. Donc, en vivant dans un ours, l'artiste ne cherche pas à signer une performance qui lui permettrait d'intégrer le livre des records. La démarche demeure philosophique et artistique. Dans une position quasi allongée, Point-Cheval entend atteindre un état méditatif qui lui permettrait d'expérimenter les conditions de vie de l'animal et de la perception du monde qui est la sienne. Un peu particulier. Pendant toute la durée de l'expérience, Abraham Point-Cheval sera filmé par deux micro-caméras dont les images seront diffusées en live sur le nouveau site Internet du musée. L'artiste s'était déjà fait connaître par le passé en se faisant enterrer sous le parvis de l'hôtel de Ville de Tours dans une galerie d'art marseillaise ou en se faisant emmurer dans une librairie, pendant une semaine. Allez voir les images, allez voir l'ours équipé. Dans le fond, c'est un ours. Chambre d'hôtel, on pourrait dire ça comme ça. Allez voir ça, assez particulier. Et puis tiens, on va s'en faire un dernier avant de se sauver pour la fin de semaine. Ben oui, on va laisser la place à la programmation régulière. Ben, on est dans la programmation régulière, mais je parle après moi. C'est le pénis dans une chaussette contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est une pathologie fréquente touchant le public masculin. Pour sensibiliser le public à cette maladie, eh bien, des inconnus font des selfies de leur pénis emballé dans une chaussette. L'initiative au goût discutable a le mérite au moins de faire parler d'elle. Le principe de cette mobilisation contre le cancer de la prostate est aussi simple qu'inattendu. Il s'agit de se photographier dans la tenue d'Adam, la verge et les bourses dissimulées dans une chaussette. Une initiative qui fait penser à Red Hot Chili Pepper, moi je trouve, hein, ce phénomène. Mais c'est No Makeup Selfie, c'est un phénomène récent qui mobilisait les femmes à se photographier sans maquillage pour aider la lutte contre le cancer. Une fois le cliché pris et toute honte tue, hein? Eh bien, les messieurs en chaussettes doivent le faire circuler sur les réseaux sociaux à l'aide du mot dièse ou du hashtag cock in a sock. Et les résultats sont particulièrement variés et les Apollon Bodybuildé y côtoient les militants de la cause les plus ventripotents. Les modestes ont enfilé des modestes sockets, tandis que les vantards n'hésitent pas à se représenter le membre affublé de collants de ski en laine rabattue sur l'épaule. Au final, il est possible de discuter du goût de cette initiative, mais le résultat est atteint puisqu'il permet de faire parler massivement de ce cancer qui est méconnu. Partie de Grande-Bretagne, cette initiative semble s'étendre à l'échelle internationale et pourrait bien déclencher un gros buzz ce printemps débutant. Ben oui, arrivé chez nous, moi je me photographie avec cock in a sock. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons